Minuit, 2h. Ouais, si je serais pas intelligent, je serais pas des débats, hein, Brouty. Les débats de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Minuit. Dans ton micro, mon chou. Hein, oh minuit, donc. Lève ton micro, on t'entend pas, là. L'heure des débats sur les JO aujourd'hui. Donc, bon, Manu qui est là, Réa. Exact. Bonsoir à tous. Rigo sur l'Internet. Bonsoir. Comme tous les jeudis. Voilà, et non, pas tous les jeudis. Le jeudi, le débat. Voilà. Et Anka et Fildar au standard. Donc, c'est Anka, je préviens tout de suite, c'est Anka qui vous sélectionne. Et pas dans la merde. Donc, on verra comment que ça va se passer ce soir. Si ça se passe mal, eh ben, on remettra Fildar à choisir les auditeurs, bon, malheureusement. Bah, à minuit 5, vous m'avez au téléphone. C'est clair. Non, mais on verra comment que ça va se passer, c'est tout. Par contre, j'ai bien précisé dès le départ que je voulais, que j'ai bien dit que je ne répéterai pas les questions. Oui. Donc, les gens qui sont au standard, si vous n'avez pas compris la question, bah, vous demanderez à ceux qui sont sur l'antenne qui vous les disent. Donc, pas de portable. Et bien sûr, quand je vous dis bonjour, vous dites bonjour une seule fois et vous m'annoncez la fréquence parce que j'ai pas les fréquences sur ma fiche. Et pas de sodomie. Hein. Pas ça. Et pour ça, on accueille Jean Galfionne, 29 ans de Bordeaux. Fréquence de Bordeaux, s'il te plaît. Oui, bonsoir, c'est Jean Galfionne. Ouais, Jean Galfionne. Bordeaux, c'est 119.9. Bonsoir. Ok. Marie-Josée Ferrec, 25 ans de Tours, fréquence s'il te plaît. 102.8, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. 102.8. David Poussé, donc Paris 101.9, bonsoir. Bonsoir, 101.9, bonsoir. Bonsoir David. Et Dev Superstar, 26 ans de Rouen, fréquence s'il te plaît. Salut les filles, 98.6. Salut Dev. Salut. Ça va? Bien, ok. Bon, alors, débat sur les JO, comme c'est commencé depuis un bon bout de temps, donc on va attaquer. Alors, combien y a-t-il d'athlètes aux JO? On demande à ça, David Poussé. 4768. Oh la vache! T'as raison. Ça, c'est précis, hein. C'est marrant parce que 4768, c'est le nombre de connectés en ce moment sur l'IRC. Déjà, pour commencer? Ouais, pour commencer. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence fabuleuse. Donc, pour toi, t'as dit 4768, je le répéterai pas deux fois, hein, Gérard. Ouais, bah si t'es pas content, on va te dire. Tu répètes pas tes questions, ouais, si t'as répété mes réponses. Si t'es pas content. Non, mais je te le dis. Ouais, non, mais moi je te dis, si t'es pas content, tu restes chez toi, d'accord? Très bien, je m'inquiète. Bon, alors, Deb Superstar, pardon. Oh, bah moi je dirais, écoute, comme lui, hein, dans les. Un peu moins de 5000, mais pas plus que 7. Donc 7000 pour toi. Ah oui, un peu moins. Bon, ok, on va mettre ça. Ça peut être 4008, ça peut être 4009, éventuellement 4990, mais éventuellement plus. Ouais, éventuellement. Bah, d'accord. Ok, chérie. Tu commences à te calmer, sinon je te dis au revoir, toi. Ah, bah, je suis tout à fait calme. Bon. Marie-Josée Ferrec. Fennec. Ouais. Et toi, alors, pourquoi? Moi, je pense dans les 10 000. Ouais. À ton avis? 10 000 tourons? Peut-être 10 002. Bon, ok. Gérard, je voulais te poser une question. Excuse-moi, Fennec. Hein. T'as regardé la cérémonie d'ouverture? Non, mais moi, tu les as comptés quand ils sont passés? Non, mais moi, j'ai le chiffre déjà. Je te le dirai pas. Jean Galfionne. Moi, je te dirais une fourchette, je sais pas, de 6 à 6 000. Grosso modo. Hein. Ça dépend, en fait, des délégations, en fait. Bon, tu comptes à peu près 7 000? Non, entre 6 et 6 000, ouais, t'as 7 000, ouais. Bon, ben, vous êtes tous dedans, hein, à part Marie-Josée Ferrec, qui est pas loin du compte. Hein. En fin de compte, c'est 10 500 athlètes qu'il y a exactement aux Jeux Olympiques. Ah ouais, carrément. Eh ben, et il y en a combien de Français? Il y a 330. Alors là, la pipette, 334 athlètes français qui sont aux JO. Et tout? Oui, parce qu'il y a. Il y en a 334 exactement. Et il y en a combien entier? Enfin, en tout? En tout, ils sont 10 500. Attends, il y a 300 Français et il y a que 10 000 participants? 10 500. Bah, il y a une galère, hein. Ouais, c'est ce que j'ai eu comme chiffre. Attends, moi, dans les États-Unis, ils sont au moins 500 à participer, ça fait déjà 800. Bah non, mais ils annoncent, ils ont dit qu'à quelque chose près de 10 000, c'est tout, hein. Tu comptes les dopés avec ou pas? Ah. Ben non, ben justement, non. c'est pas encore la question. Tu vas pas commencer. Ils viennent d'où tes chiffres? C'est les chiffres que j'ai eus c'est tout. Je te dirais, t'as pas besoin de savoir d'où qu'ils viennent mes chiffres. Non, mais tu pourras avoir tes sources. Bah oui, non, mais il a vu ça dans des chiffres et des lettres. Ah, ok. Non, pas du tout. Gérard, sur l'IRC, il y a des gens qui me demandent, tu sais, le nombre de participants, mais il y a combien de médailles distribuées au JO? Ben ça, pour l'instant, on n'en est pas encore là, hein. C'est une question. En médaille, pour l'instant, je sais pas exactement combien il y en a. Il n'y avait pas marqué sur Sur le site non, j'ai pas trouvé ça sur le site internet. C'est un vieux site de cul de toute façon. Non, parce que je t'ai demandé de le regarder, mais apparemment tu n'as pas pu me sortir. Alors c'était illisible. Voilà. Donc combien d'épreuves on est déjà à la deuxième. Hein. Déjà. Bah oui. Oh, hein. Putain, ça trace, hein. Hein. Il y a combien de questions? Il y en a 14. Non, 13. 13 parce que la deuxième, on y va. Non, bah on va la poser. Ah, alors combien d'épreuves y a-t-il à faire? Excusez-moi, mais je pensais à un truc, les JO, c'est où, qu'est-ce que c'est? Enfin, tu peux expliquer, parce qu'il y a des gens qui, ça se trouve, ils connaissent pas. Mais on va en venir. Mais non, parce que là, tu demandes combien il y a d'athlètes, il y a des machins. Parce que justement, sur IRC, il y a des V1, lui, il me parle des animateurs du Club Med, les JO. Mais non, expliquer. Les JO, c'est des Jeux Olympiques de Sydney. Dev Superstar, tu commences à te calmer ou sinon je te dis au revoir tout de suite. Ah, j'ai rien dit pour une fois. Calme, Dev. Non, mais je préviens. Je te dis que j'ai rien dit. Non, écoute, c'est pas Dev. Il a entendu au mot, il a pensé à Dev. Ouais, non, mais fais gaffe à toi, David. tu pourrais peut-être dégager. Toi. Ah, il t'a repéré, il t'a grillé à l'antenne, direct. C'est chaud. Hein? Direct, David. Alors, un conseil que je te donne, t'intéresses de te calmer avant que je te vire. Ok. D'accord. Okay, bon. Très bien. Donc alors pour répondre à la question, Sydney, c'est où Sydney, c'est en Australie, mais justement on va en parler. Bah ouais, mais pourquoi tu commences par ces questions-là? C'est un départ, quoi. Tu commences par la fin. Je pose des questions dans l'ordre que je le veux. C'est la conclusion, ça, les mecs. Non, c'est pas la conclusion. Ouais, mais bon. On sort les doigts du cul et on se met au boulot. Bon, on y va, GG, quoi. Manu, tu arrêtes. Vous commencez à arrêter, sinon je vous dis, je vais laisser tomber le débat, d'accord? D'accord, je commence à arrêter. Bon. GG, c'est plutôt je me mets les doigts dans le cul et là je suis au boulot. Alors, David Pousset, au revoir. Mais c'est pas lui. Retard. Terminé pour toi. Allez, vas-y vite. Donc alors, deuxième question. Ouais. Combien d'épreuves y a-t-il à faire aux Jeux Olympiques? On va demander à Jean Galfiotte. Galfiotte, je sais pas, une fourchette entre 6 et 6 000, pareil. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, 7 000, quoi, en fait. D'épreuves. Ouais, d'épreuves. Mais d'épreuves réelles, hein. Ouais, bah à mon avis, t'es loin. Ouais. Marie-Josée Ferrec. Je dirais entre 319 et 321. Ouais, ben, pourquoi pas. Dev Superstar. Oui, mon pépère. Bah écoute, pas plus de 2. Alors toi, t'es encore pire. Pourquoi? Il y a exactement 29 épreuves, dont en tout, ça fait 29 et 2 nouvelles qui sont apparues dans les Jeux Olympiques là. Donc ça fait 31. Donc les deux épreuves qu'il y a en plus. C'est le taekwondo, je sais pas du tout ce que c'est comme épreuve. Bah, c'est un truc de cuisine, je crois, le tech. C'est pas du tout. C'est un truc que je mets par terre, le tech. Mais je sais pas du tout. Et le triathlon. Ah. C'est quoi le triathlon? Le triathlon, bah, c'est des épreuves qui sont. C'est pas le truc qui passe à la télé où on donne des dons? Non. N'importe quoi. Donne de l'argent. Non, c'est des épreuves qui sont dans l'eau. Dans l'eau, ça s'appelle le triathlon. Ouais, mais il y a ça, et après il y a de la course à pied et du vélo. Voilà. Alors, tu vois, tu sais ce que c'est? Bah, le triathlon, oui. Ah, c'est le tech. Non, le tech. Tech quoi? C'est comme le Tichichuan. Ou ado, là, je sais pas quoi. Je pense que c'est. S'il y a quelqu'un qui peut nous le dire sur l'IRC. Moi je sais. Ouais, Dev. Il a l'air au courant. Le taekwondo, c'est un art martial. Ce sont deux hommes qui s'empoignent fortement et qui essayent de se mettre des coups. C'est très violent, il y a de la sueur. C'est un peu comme toi ce soir. Dev Superstar, oui. Au revoir. Oui, mon pépère. Au revoir. Oh, pépère. Au revoir. Ah, non, mon pépère, attends. Au revoir. C'est bien. Mon pépère. Au revoir. Hop là. Allez, hop. Gérard, à la place de David Pousset, que tu as viré lamentablement alors qu'il n'avait rien fait, on accueille Pastissa de 23 ans d'Angoulême. La fréquence, Pastissa, tu vas la donner directement. Oui, bonsoir à Paris, et c'est 90.2. Bonsoir, Gérard. 90.2, bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Ouais. Donc, Angoulême, hein. Ouais. Ok. Ok, Michel. Je te signale, Fildar. J'ai dit. Ouais, je t'embrasse, moi aussi. Non, mais, hey, Fildar. Ouais. J'ai dit que c'était Anka qui prenait les auditeurs et que tu vérifies si c'est. Mais bien sûr, regarde, elle prend les auditeurs et moi je les rappelle juste après, tu vois. Ah non, mais c'est elle de faire le boulot, c'est pas toi. Non, mais ça, rappeler les gens, c'est pas son problème. Ouais, non, c'est aussi un petit peu. Non, mais c'est moi qui décide, d'accord? C'est pas toi, donc tu fais ce que je te demande et c'est tout. Terminé. C'est comme ça que ça se passe. On pourrait enchaîner parce que bon. On sort les doigts du cul et on se met au boulot. On y va. Non, on va y aller mono parce qu'on est déjà à la troisième. Non, on est en stéréo, nous. Hein. Alors, bon, tu veux répondre à la deuxième ou pas maintenant? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Pompe-moi la bite, grosse salope. Non. Donc, c'était combien d'épreuves y a-t-il à faire? J'ai envie de calope. Et ça enchaîne, et allez. Donc, la question, c'est combien il y avait? J'ai envie de calope, j'ai envie de calope. C'est pas Manu, c'est un mec. Ouais, non, mais ça commence à me prendre la tête, cette histoire. Ça fait dormir, surtout, hein. Ah, ils ont tous les sons chez eux. Ouais, vas-y, c'est pas grave. C'est passé avec de la viande. Combien d'épreuves y a-t-il à faire? Donc, c'est pour Patiska, là. Non, Pastichade. Pastichade? Ouais, vous pouvez connaître le mot. Alors, moi, je dirais... Bah, ça y est, il y a Marie-Josée Ferric qui vient de te le dire un instant. Ouais, j'ai pas écouté. Il y en a 29, dont deux nouvelles. 29. Mm-hmm. Dont deux nouvelles qui sont le taekwondo et le triathlon. Ouais, GG. Ouais. C'est sûr qu'il n'y en aurait pas un petit peu plus que 29 des épreuves. Non, quand même. En tout, il y en a 31. Ouais, quand même, hein, c'est un peu non, c'est 31. Un peu plus que 31 quand même. Non. Si tu prends la course, regarde, rien que la course, il y a 50 épreuves différentes, si je peux me permettre, hein, entre guillemets. Non, mais moi, je... Regarde, il y a le 100 mètres, il y a le 200 mètres, il y a le 50 mètres, il y a le 100 mètres. Non, il n'y a pas de 50 mètres. Avec des haies, avec le clef. Il y a 31 épreuves, c'est tout. Ça me paraît un peu léger quand même. Bah ouais, mais moi, c'est à mon avis, il faudrait vérifier sur LCI, moi je dis quand même. Ouais, c'est vrai. Mmh. Moi j'ai ce chiffre-là, donc. Tu as sans doute ton chiffre. Bah moi c'est des chiffres que j'ai vus, que j'ai repris, c'est tout. Ah non, mais attends, je t'explique un truc, quand t'as 3-1 et qu'il y a un 0 derrière, ça fait 310 en fait. Non, moi je vais compter. Le 0 il est pas nul. Il y a 30. Normalement il y a 31 épreuves réelles et dont il y a 30, ça fait 29. On a compris ça, il y en a deux en plus. Il y en a deux nouvelles, c'est tout. C'est le taekwondo et la varap. Et le triathlon. Voilà, ah. Alors, que représente... Attends, Gérard, excuse-moi avant, oui, parce que bon, t'as viré des gens, donc on en accueille de nouveau, c'est normal. Ouais. On accueille Marcel Douillet, bonsoir, 27 ans de Rouen. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir Rigo, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Marcel, hein, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va? Ça va bien. Ok, c'est cool. Donc, 98.6. Ouais. Voilà. On a question. Bon. Que représentent les anneaux sur le drapeau avant? Un petit sondage. Ouais, avez-vous? Regardez toujours cette concentration. On est en direct là. C'est les JO. Ouais. En direct. Celui qui a la télé est prié d'arrêter. Moi. Range tes médailles. Ça n'est pas facile. Manu, tu m'éteins ça. C'est pas moi, Gigi. Hein. Préparé, notamment les Français. Ouais. Alors. Merci. Non, c'était bien toi, Manu. Mais non, c'est pas moi. Mais ouais, tiens, fous-toi de ma gueule, tu viens d'appuyer sur un bouton. C'est tout. Alors, avez-vous vu les JO à la télé? Donc, 59% des gens. C'est un sondage. Oui. Ouais, c'est un sondage. 59% des gens répondent qu'ils n'ont pas pu car c'était le matin, mais ils n'ont pas compris car il faisait nuit à la télé. Enfin, ça s'est déroulé à 9h du matin, hein, la retransmission. Sur France 2, hein, c'est ça le problème. 34%. Non, mais t'as pas compris, Gérard. Il y a des gens qui n'ont pas compris parce qu'il faisait jour ici, parce que c'était le matin, et là-bas, il faisait nuit. Mais là-bas, je sais pas le décalage horaire, alors. On n'a pas le décalage horaire. Il y a un décalage horaire. Ouais, c'est plus 32. Ouais, c'est ça. Plus 32, pourquoi pas aussi 22 heures de vol aussi. Comme l'autre, il a été me chercher tout à l'heure. Sébastien? Ouais, comme il a été me chercher sur l'internet. C'est un tocard, ça. 22 heures de vol, c'est ça. Donc, alors, 34% non seulement vu que la cérémonie d'ouverture de la Mercedes de Lididi, bon, ça, c'est complètement des sondages de merde, encore, alors, comme d'hab. Il y a une médaille, hein. 20% des gens disent que ce n'est pas grave, si je rebois, c'est encore pire. C'est bien des conneries à la file d'art. Ah non, c'est pas moi. Non, presque pas. Et 11% pensent que les JO, c'est de la magouille. Pas spécialement, non. Ah, ça, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Non, ouais, moi non plus. Enfin, bon. Qui est pas d'accord dans les auditeurs? Moi, je suis pas d'accord. Bah voilà. Donc, que représentent les anneaux sur le drapeau? On va demander à... Chaud. Marcel Douillet. Oh, ouais. Alors les anneaux, Gérard, comme ça on va torcher vite fait la question, c'est les 5 continents. Voilà. Ah bah voilà. Non, bravo, la question de merde. Bravo. Science et vie junior. Vas-y, suivante. Non, bah c'est pas faire un débat et pas un quiz là. Ah, c'est bon, non, de toute manière, question, c'était là. Ça, c'est tout, hein. Ouais. Bah, voilà. C'est un point. Bah ouais, mais tant pis. C'est qui a un point là? Douillet. C'est moi, c'est Marcel Douillet, un point, bravo. Bien, ouais, bien joué. Tu fais gagner quoi comme CD? Rien du tout. Tu rejoues tout là? Non, non, il n'y a pas de... C'est au dernier mot ou pas? Attends, c'est au dernier mot. Il n'y a rien du tout. Ok. Ah, tu peux appeler à l'orphelinat si tu veux vérifier la question. Qui c'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça? T'es gentil tout seul. Qui vient de dire ça? Pas moi. Alors entre Jean Galfion, Pastis. Je crois que c'est Galfion. Il me semble. Moi je pense pour Galfion. On fait pas ça chez les perchis. Il fallait sauter l'obstacle. Je vous le dis tout de suite. Eh ben Jean Galfion, au revoir. Allez, on est pas dans ce genre-là. Ouais, ben c'est ça. Hop, terminé pour et Gérard, on en remplace directement par un autre. Il s'appelle Jamel Poussas. Salut Jamel. Bonsoir tout le monde. T'appelles d'où? Bonsoir. De Sydney. Quelle heure il est alors? Bah là, je sais pas, je suis décalé, je suis décalqué, je suis tout ce que tu veux. Ah, t'appelles juste sérieusement Jamel Poussas? Sérieusement, j'appelle de Saint-Denis. Ouais. Donc 101.9. Exactement. Donc région parisienne. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que je voulais faire comme question? Bah là, c'est que la troisième, puisque t'as broyé la deuxième. Donc, Bah non, c'était la troisième. Ah déjà? Bah oui. Ah bon, on va finir à minuit et demi. C'est les cinq continents, l'Ascar. Je sais, moi. Toi, Pastichade, tu vas la fermer parce que tout à l'heure, je vais te dire au revoir. Ok. Ok. Bon. Alors, il y a quoi sur l'IRC de questions? Rien? Si, il y a énormément de choses. Il y avait Coco Benny, il voulait savoir si tu allais participer au JO en e-sport, vu qu'il y avait une catégorie spéciale jambes de bois. N'importe quoi. Elle n'est pas en bois, sa jambe, elle est en fonte. Il n'y a rien d'autre? Si, il y a Adam qui voulait savoir si tu te dopais pour les débats. Non, donc la question sur le dopage, on en reviendra. Tu te dopes plus. On n'y est pas encore. Mm-hmm. Après. Yanky voulait savoir si Lady Di a gagné une médaille au JO de Stuttgart. Bon, lui, ferme sa gueule, ça vaudra mieux. C'est chaud. C'est chaud. Bah, on va arrêter là et on verra. Bon, bah, tant mieux. T'as fait une bonne jambe. Ça fait plaisir de voir que sur l'IRC, ils s'intéressent au débat. En ce moment, ça fait comme les gens en standard qu'on n'a rien à foutre. Hein. D'ailleurs, il y a Vicky qui se demande si ta stupidité est une discipline olympique. Et lui, c'est ça l'amuse de faire chier son monde sur l'IRC. Donc voilà. Oh. Eh ben, cassez dans ta gueule. Quelle est la devise en Australie? On va demander à Jamel. C'est débile ces questions. Bon, Marie-Josée Perrin, au revoir. Allez, celle-là va pas nous emmerder, comme ça sera pas pourri. Allez hop, terminé. Ils vont pas me faire chier direct. Ça va aller vite. Bon, excuse-moi Gérard, il est minuit 15, tout pétante. L'émission sponsorisée par Barbie Barman. Tout de suite, nous Barbie Barman Gérard. On y va. Du pognon. Manu, c'est vrai. Un conseil que je te donne, t'arrêtes tes conneries avec ça parce que ça m'énerve, d'accord? Là, j'ai gagné une semaine de ouf en Tunisie. C'est ça, c'est pas mal, hein? Ok. Ah, donc la question, c'est quelle est la devise en Australie, Marcel Douillet? Tu es un kangourou si tu veux manger à midi. Quoi? Tu es un kangourou si tu veux manger à midi, un truc comme ça. D'accord, c'est bien ta question. Pistachade. Pistachade. Pistachade. Je passe. Allez, Gérard, ça va plus vite. Tiens, à la place, donc, est-ce que t'en as viré pas mal là, hein? On en a viré 3. Oui, ça va arriver. Hein. Je suis toujours là, moi, j'espère. Ouais, Jamel Poussas. Alors, il nous reste Jamel Poussas et Marcel Douillet pour le moment. Donc, on va accueillir un nouveau, c'est Stéphane Diaganal. 28 ans de Toulouse, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et genre, bonsoir, la fréquence de Toulouse. Alors Toulouse c'est 118.8, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Toi, je te fous de Wad. Je rappelle d'une demoiselle. Hein. Bon alors, on y va là. Il n'y a personne d'autre. Je rappelle une demoiselle, laisse-moi le temps de la rappeler. Entre temps, Gérard, l'imprimante remarche, je suis allé chercher quelques dépêches AFP. Donc, des infos de Marie-Josée Pérec, apparemment de retour à Paris, elle aurait signalé avoir été agressée dans son hôtel à Sydney par un petit homme moustachu, sale et puant, qui tentait d'ouvrir le frigo de sa chambre d'hôtel. Et il l'a agrippé en criant « File ta gnôle, mange-toi ». Alors ça, je dirais une chose que celui-là, c'est des conneries, c'est quelqu'un qui s'amuse à les faire derrière notre dos. Donc, c'est pas du tout. Et c'est les informations qu'on a, c'est pas du tout les mêmes ce qu'ils disent. T'as quoi, toi, comme info? Eh ben, vous le saurez tout à l'heure. Ah. Voilà. Pourquoi suspense. Elle est allée à Singapour? Qu'est-ce que ça peut te foutre, à toi? Non, mais je te demande. Non, mais moi, je te pose la question. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas la question, d'accord? Ok. Non. Bon. Alors, quelle est la devise en Australie, Stéphane? Moi, je dirais, je sais pas, un pour tous, tous pour un. Hey, tu réponds correctement aux questions, tu vires. Attends, c'est ça une devise, c'est une maxime. C'est la devise des manouches, hein, pour tous pour un. Aiguisons tous ensemble. Ouais. Jamel. Ouais, moi je dirais t'es l'esprit qui croyait pour un an, je sais pas. Moi je dirais Pierre qui roule, Namas quand même. Alors, il ne faut pas prendre la peau. Je sens qu'au standard, ça va chier. Tu me les, Manu, tu me les mets en. Ah, je les ai coupés, t'inquiète. Au standard. Oui, Gérard. C'est pas la peine de me prendre des cons pour répondre aux questions, parce que sinon, le débat, on va le bâcler vite fait, bien fait avec. Qu'est-ce ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, s'ils veulent pas répondre aux questions, tu leur dis, regarde, on va mettre un disque. Non, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais il y en a aucun des trois, là, qui veulent répondre aux questions. Pourquoi? Donc, dans ces cas-là, ça sert à rien de me les garder. Et pourquoi ils veulent pas répondre? Parce que tu leur poses une question, ils en ont rien à foutre. Mais c'est pourri, on est en train de parler des JO, tu nous demandes la devise, qu'est-ce qu'on a à branler? C'est vrai. Eh ben, les gens qui y vont, faut bien qu'ils payent. Mais putain, mais on parle de sport, tu nous parles de monnaie, toi. Qu'est-ce qu'on en a pété, tes questions pour un 2 francs, là? Et alors, si t'es pas content, t'as qu'à faire un débat, espèce de fils de pute. Oula, oula. D'accord. Ça va loin là. Alors je te préviens, la question reste. Je peux pas t'en dire autant. Hein. Alors la question reste, envoie un disque et c'est terminé. La question restera. Tu me retrouves d'autres auditeurs. Mais non, terminé. Mais ça y est, ils sont là, les auditeurs. Non, tu m'en reprends d'autres que ces trois-là qui savent pas et qui n'ont pas envie de répondre aux questions. C'est tout terminé. C'est quoi? C'est le pénis, la devise, non? C'est, tu me dis, Stéphane, Marcel Douillet et Jamel, tu leur dis au revoir, tu me non, reprends. Non. Tu reprends 4 auditeurs, non. Terminé. Ah, hors de question. Ah bah, moi, je te dis que si, c'est moi qui commande le jeudi, bah, c'est je pas toi. M'en fous. Hein. Alors, en demain entendeur, salut, tu fais ton boulot. Et Anka, tu l'aides, s'il te plaît, merci. Bah ouais, mais on met ça du temps chie, pour hein, trouver un auditeur. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre. On en trouvera pas les fameux, là. Mais attends, hein. Tu mets du temps à trouver un auditeur, pour l'instant, t'en as trouvé aucun. Bah, je suis au téléphone, ouais, avec quelqu'un. Hein. Bien sûr, t'es au téléphone depuis tout à l'heure. Non, tu lui parles pour voir comment. Non, tu reprends d'autres. T'en prends, allez hop. On envoie un disque. Ah non, j'ai pas de disque, les deux premiers. Bon, alors tiens, j'ai une auditrice qui peut peut-être répondre, j'espère qu'elle pourra le faire. C'est Janie Limbago, 40 ans bientôt maintenant. Bientôt, oui. Ouais, quand même, ça passe, Janie. Eh ben. 40 ans de. T'es où déjà, Janie? À Toulouse. T'es à Toulouse aussi, 118.8, parfait. Mmh. Voilà. Bienvenue. Et j'ai pas d'accent. Ah, ouais, moi non plus. Hein. Non, mais j'ai prévenu Fielder, là, les trois. On est tranquille, hein. Mais toi, Gérard, toi, tu pourrais nous dire ce que c'est que la devise de Ciné? Pour l'instant, moi, je vous demande de répondre aux questions, je vous demande pas... Bah ouais, mais tout, mais Gérard... tout ça, mais tu sais même pas ce que tu racontes, en fait. Ouais, bah alors, c'est quoi? Non, attends, c'est le dollar. Rien ne sert bah voilà. De courir. C'est le dollar, ouais. Vous avez compris ce que je viens de vous dire, là, les trois lascars? Mais la devise, c'est le dollar. Mais c'est pas une devise, un dollar. Ah non, c'est quoi, alors? C'est moi, je dirais un tir dans la bouche vaut mieux que deux tirs. Allez, hop, au revoir à vous trois, bonne nuit. Mais non. Bonne nuit. Non. Terminé. Mais non, mais écoute. Je dis bonne nuit. Si les auditeurs, ils connaissent pas. Au revoir. Mais c'est pas de notre faute, Gérard, c'est un débat. Terminé. Est-ce qu'on répond mal? Non, mais... Attends, tu sais c'est quoi la devise en Chine, toi? C'est le gars, c'est le... Et alors tu dégages, allez, tu dégages. Mais va te faire sucer par tes travaux là, tu retrouves des auditeurs. Tu vois, c'est pareil. Parce que toi, ton dépit, t'es même pas capable de les faire, alors tu fermes ta gueule et c'est tout. Maintenant, tu fermes ta gueule. Je peux pas laisser passer ça. Tu dois laver la front, là, direct. Alors hop, Jamel et Marcel Douillet, c'est pas d'au revoir. Non, ils s'en vont pas, attends, tu leur dis au revoir et c'est tout. Mais non, ils connaissent pas, c'est pas de leur faute. Non, mais Gérard. Attends, toi, tu t'écrases parce que tu fais rien. Attends, tu t'écrases. Tu cherches des auditeurs. Je te préviens parce qu'après il n'y aura plus personne. Non, mais moi je te dis, tu cherches des auditeurs et tu t'écrases. Excusez-moi, c'est mais tout. Là le moment est vraiment venu. On sort les doigts du cul et on se met au boulot. Parce qu'on se fait chier grave là, GG, hein, je veux pas et être bah, trop t'as, long, mais... t'as qu'à envoyer un disque et vous reprenez des disque, auditeurs. Mais non, il est minuit, GG. Je veux pas le savoir. Enchaîne, je sais pas. Non, vous envoyez un disque. Fais un sondage ou un truc en attendant que Phil retrouve des gens. Juste une petite citation de Pape Schmir, c'est assez dur à prononcer, je suis désolé. Il dit que du temps des Romains, la devise des jeux du cirque, c'était du pain et des jeux. Et il dit qu'avec toi, est-ce que ça deviendra du vin et des jeux? N'importe quoi, je répondrai pas à des questions cons comme ça sur l'IRC maintenant. Mmh. Alors, s'ils ont envie de s'amuser à dire des conneries, ben, qu'ils en disent, eh ben, moi je répondrai pas aux questions, c'est tout. Mmh. Mais voilà. Je les poserai pas, hein, t'inquiète pas. Donc, alors, sondage, que doit-on faire pour participer au JO? Ça, c'est bien. Alors, 73% des gens répondent qu'il ne faut surtout pas être sportif. Enfin, en principe, pour faire les Jeux Olympiques, il faut être sportif, sinon, c'est pas la peine. Pourquoi? Bah, sinon, pourquoi tu fais les JO si t'es pas sportif? Pour avoir une médaille. Bah ouais, bah, faut bien que tu participes à un sport. Sinon, tu peux pas avoir de médaille. Ouais, mais est-ce que les gens qui participent à un sport, ils sont forcément sportifs? Peut-être qu'ils font ça pour la thune. Non, il y en a qui, c'est leur sport, c'est ce qu'ils font, hein. Donc 31% des gens me demandent si j'aime les JO. Moi, c'est pas un genre de... C'est pas... Ça m'intéresse pas du tout. Ah, oh, GG, ça te passe bien le temps, tu fais rien de la journée. Non, c'est 24 sur France 2 et... Ça passe non, je veux dire une chose, je regarde même pas ça du tout. Mais pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas, alors... Donc 29% pensent qu'il faut mais se doper. Les internautes, ils sont frustrés, ils te demandent pourquoi tu fais un débat sur quelque chose qui t'intéresse pas. On a tellement l'habitude d'avoir des thèmes si intéressants de ta part. Ben ouais, mais les Jeux Olympiques, ça m'intéresse pas, c'est tout. C'est pas des trucs qui m'intéressent. Donc 29% des gens pensent qu'il faut se doper pour participer aux JO. Alors ça, je vois pas pourquoi qu'on l'a maintenant, alors qu'on en est déjà pas, on en est pas encore arrivé à cette question-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Et 17% me demandent si Bibi est une ancienne lanceuse de marteau. Alors ça, ces questions-là, c'est encore des questions. Des conneries, tout le monde sait bien, elle faisait le marteau. Ouais, moi on m'a dit qu'elle faisait le poids. Ouais, ouais c'est ça. Forcément. Enfin bref. Donc On a des nouveaux auditeurs. Ça enchaîne. Mais bravo Anka. Non mais bravo Anka. Ouais, bon, on va voir. Alors, on accueille Karl Lavis. Bonsoir, 27 ans de Rouen. Je crois que tu es de Rouen, Karl. Exactement, salut tout le monde. Oh, salut Karl. Salut. Alors, Karl Lavis, 98-6. Voilà, exactement, Gérard. On accueille Sergueï Boubkouï. Bonsoir, Sergueï. Bonsoir, bonsoir à tous. Eh, hey, Anka, au lieu de te foutre de la gueule, là. C'est une honte. De te marrer. C'est quoi ces noms de merde que tu donnes aux auditeurs, toi? Bah, moi qui leur donne, c'est eux qui les trouvent tous. Ah, ouais, c'est eux qui respectent un petit peu. Bah, non, moi j'ai pas assez d'imagination. Respecte-moi. Hein. Genre. Alors, c'est quoi son nom? Sergueï Boubkouï. C'est pas facile à porter. C'est pas facile, non. La fréquence, c'est pour ça. Arrêtez de vous moquer. La fréquence! La fréquence est 104.2. On la ressort souvent, celle-là. Ouais. Et après, et donc, on accueille aussi, bonsoir, Eric Diagonal. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Rien à voir. Rien la à voir avec l'autre. C'est pas la même famille, j'appelle de Caen. Lui saute des voitures dans les banlieues. Tout à fait, et c'est 117.7. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir l'équipe. Salut. Salut les auditeurs. Salut. Salut le Polar. Tu parles, c'est à qui tu dis ça, toi? À toi, l'otage. Alors, au revoir. Au revoir, Eric. Allez, là, c'est pas Eric, putain. Si, j'ai reconnu sa voix, c'est que lui. Terminé. Eh ben, alors, il est mouvementé ce débat quand même. Ça va aller vite, moi. Hein. Ah je sens. Tu veux qu'on appelle Bibi pour savoir si ça va vite? Oh, je peux avoir. Une fiche. Vierge, tu es une vierge? Non, une fiche disque. On envoie une fiche disque. Oh putain. Ah, j'avais pas capté, moi. Bouge pas. Alors, c'est quoi? T'as posé la question ou pas? Non, pas encore, mais j'attends d'avoir le. La fiche disque? Ouais, bah attends, 30 secondes. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre, hein, déjà. Putain, oh là là. 25 minutes de franche rigolade. C'est vraiment, c'est le top, hein. Un peu de tristesse, un c'est cool sur fan. Alors, la question, ça sera combien d'heures de vol y a-t-il entre Paris et Sydney? Oh mais non! Mais non, c'est pas les Jeux Olympiques, ça. On va refaire les questions, hein, pendant le discours. Non, on va en faire deux ou trois. Attends, la devise de l'Australie, le nombre d'heures pour aller en Australie, non mais tu caresses, hein. C'est ridicule, hein. Je regarde les trucs et c'est tout. Est-ce que les kangourous, ils sont bien en Australie? Est-ce que les Walibis, c'est australien? Et on va s'écouter les kangourous pervers avec un Walibi Bibi, je fais caca, donc hey. Ça c'est bien des conneries à fil d'art. À tout à l'heure sur Fun Radio. Le SDF et son débat, c'est Gérard sur Fun Radio. Gérard! Jingle, non? Bah, Anka, s'il te plaît! C'était pas un jingle, peut-être. Eh, ça va, oh! Ah, mais t'as vu l'heure? Putain, mais merde! Eh, mais je veux pas te savoir! Oh, tu viens parler carré! Oh, tu viens le gobelet d'ici! Mais je veux me le faire piquer! Non, tu vires ça d'ici! Hop, terminé! Tu vires les gobelets de. Tu vires! Bah, tu le bois et puis tu le casses! Oh la vache! J'étais sorti du studio quand tu rentres! Ah ouais, bah alors donc on venait de s'écouter les kangourous pervers avec Walibi Bibi, je fais caca, donc à mon avis ça doit pas être le bon disque. Si, c'est ça, c'est sympa. Ça m'étonnerait. C'était pas mal. C'est une nouveauté Fun Radio. C'est. Anka, tu viens le gobelet de là s'il te plaît, merci. Regarde les dehors là. Non mais regarde dehors. Je ne veux pas le savoir, tu viens. C'est bon. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? On accueille Janine. Oh là. Non, Janine Lamago. Janine Lamago. Bonsoir. Karl. Oui. Sergat. Sergueï Boubkouï. Et après. Ah, excuse-moi. Donc, on accueille une nouvelle auditrice, Christina Arondel. Bonsoir. Bonsoir, c'est Christine Arondel. J'appelle de Montpellier, 116.6. Bonsoir à tous. Ok, bon. Alors, bonsoir, Gérard, quand même. Salut. Bonsoir, ça va bien. Donc, alors, la question donc, qu'on devait poser, monsieur Fildar a voulu la changer, alors. Ah ouais, on est d'accord, on est tous d'accord. Hein. Ah, donc, pensez-vous que la France a des chances de gagner les JO? Donc, c'est à peu près ce que j'allais dire, donc c'est pas mal. Fildar, tant mieux. Alors, donc, on va demander à Christina. Non, Christine Arondel. Ouais, si bah, si je veux, d'accord. Ah bah, si je veux, non, bah, tu me prends. C'est pas trop. Alors, dans ce cas-là, si t'es pas content, c'est le même prix, d'accord. Bonsoir. Alors, effectivement, je pense que vu le nombre de médailles qu'a la France, pour l'instant, on n'est pas très très bien placé quand même pour gagner les JO. Faut être. On est combien là, Gérard? Non, mais attends, pour l'instant, je le dirai pas tout de suite. D'accord. C'est pas la question. Moi, je pense qu'on n'a pas trop de chance, honnêtement. Ouais, ben, je pense que si, moi. Moi, je pense que vu les résultats des nageurs, par exemple, en 100 mètres, Pierre Coulet, par exemple, on n'a pas cartonné du tout. Non, pas du tout. Je sais qu'il y a une épidémie de choléra chez les chevaux, donc en équitation, ça a été la catastrophe. On est tous là. Ouais. Donc, nettement, pour l'instant, nos chances sont diminuées, hein. Faut être réaliste. C'est sûr, on gagnera pas les JO, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Europe, hein. Faut se calmer, les enfants. Ben, moi, je peux te dire que si, on a des chances. Moi, je prends l'avis, Gérard, surtout que, bon, là, on est en troisième ou quatrième position. Mmh. Et là, je crois qu'il reste que des trucs à la con, là, genre bobsleigh sur gazon, curling, des trucs comme ça. Non, il y a encore un. On a encore le judo, encore. Hein. Il y a encore du judo. Si tu me permets, Gérard, je voudrais passer un message à France 2. Non, il n'y a pas de message, merci. Si nous passons du bobsleigh ou du curling, c'est même pas la peine, je ne paye pas ma redevance. Hein. Non, mais c'est bien. C'est direct, hein, c'est pas Bietri qui va. Mais c'est pas la peine de passer des messages, merci. Oh. Oui, en galère à Jolo avec tes potes les otages. J'ai goût de fun. Qui c'est celui-là? Je sais pas, Gigi. Un jingle. C'est la vis, je crois. Carl Lavis. Ah non, pas possible. Non. Parce que justement, c'est à lui que je posais la question. Alors, ouais. Justement. Alors, Carl. Bah, écoute, moi, je ne vais pas pouvoir te répondre. Ça va être très imprécis. Hein. C'est trop imprécis pour moi. Pourquoi? Hop là. Bah, pourquoi écoute, on pourrait pas te dire, la France n'a pas de chance de gagner, c'est impossible. Non, bah, moi, je te dis c'est que si. C'est aux Jeux Olympiques. Ah, bah, non, mais moi, je peux te dire qu'on a encore des chances. Mais il n'y a pas Zidane, je sais comment tu veux qu'on gagne. Mais attends, mais mélangez pas tous les sports. Il n'y a pas Barthès, il n'y a personne. Zidane, tu lui donnes une carabine, il fait un carton, là, dans le truc. Janine. En curling sur gravier, ouais, tu m'étonnes. Janine. Ouais, alors. Bah, moi, je pense pas qu'on va gagner, mais je suis pas si pessimiste que les autres. On en a déjà une vingtaine, quoi. Donc c'est pas bah, à l'heure actuelle, on a. Qui est premier pour le moment? C'est les USA. Combien? Avec 23. Et tu crois qu'ils les ont mérités ou pas? Bah, bien sûr, ils sont quand même plus forts que nous. De toute manière, ce qu'il nous reste encore, on a une chance de médaille demain. En judo avec David Douillet, c'est tout. Ouais. Je pense qu'on. Justement, à propos de David Douillet, j'avais une dépêche tout à l'heure sur AFP que j'avais imprimée. Il aurait été violemment pris à partie par une femme qu'il a décrit comme proche de l'animal Bigfoot. L'être corpulent et dégoulinant lui aurait fait une prise inconnue du judoka, lui infligeant un souffle anal au visage. Ouais, ça a l'air assez violent. Ouais. Comme c'est des conneries, donc. C'est la AFP, Gérard. Donc, alors, les médailles qui sont tombées. Donc hier, elles se sont cassées. Donc on en a eu deux. On a eu deux bronzes en escrime, une argent en judo et une or en cycliste sur piste. Ah, et donc à l'heure actuelle, on est à 20 médailles. Donc on est dans les troisièmes. T'es à combien de bronzes toi par contre? Tu les couvres, t'en coules combien toi? Alors Christine, au revoir. Hein là. Comme ça celui-là. Tu veux savoir Christine? Toi t'es sûr de la gagner la médaille Kekadoa, non? Sergat, au revoir. Non, pas du tout. Pas du tout. Je m'en fous. Je t'aime, tout ça. Allez, au revoir. Laquelle? Qui? Sergat? Ah non, c'est pas moi. Non, genre. C'est pas lui. Tant pis. Non, j'ai assez tassé comme ça. Terminé. C'est Carl. Ah bah alors, bonne nuit pour toi. Salut mon con. Voilà, bah comme ça va plus vite. Gérard, justement, j'avais prévu le coup. On accueille Monsieur Mazur, bonsoir. Tu la fermes un peu là. Que le meilleur gagne, bien entendu. Bravo, il me semble que j'avais dit que je voulais pas qu'il repasse. Oui, mais 1.9, Monsieur Gérard, pour la fréquence. Ouais, mais on s'en fout. Il a fait un article récemment sur les yeux. J'en ai rien à foutre. Absolument, merci. J'en ai rien à foutre, Monsieur Mazur. Article dans un bien modeste journal, intitulé L'équipe. Et moi, il y a un journal que je vais vous dire, vous allez fermer votre gueule maintenant. Moi, j'ai dénoncé Chirac dans Le Monde. Hein, alors ça, ça commence Gérard, à bien faire, ma jure. Gégé, s'il te plaît, arrête de t'énerver parce que quand tu bouges, ça. Ça schmoute. Allez, tu sais, Janine, au revoir. Hop. Oh là, ça va. Bonne nuit. Manu. Hein. Excuse-moi. Voilà. Quand tu veux, Anka, tu me trouves des auditeurs, hein. Bon, on y va, j'en ai un justement, excuse-moi, avant que tu rattaques la question. On a Franck Espositob. Bonsoir, Franck. Franck Espositob, oui, bonsoir. Bonsoir Paris, bonsoir tout le monde, bonsoir qui veut. La fréquence 92.4. Merci. Donc, alors, dans quelle question qu'on était Je sais pas, mais en tout cas, sur l'IRC, on est énormément monté. On va peut-être atteindre le nombre de participants au JO, vu qu'on est 7842. Et il y a une bonne question de Snooze. Il dit qu'il y a son chien, il comprend pas pourquoi les chevaux, ils ont le droit de participer à l'équitation et pas lui. Voilà, parce que son chien, est-ce qu'il pense le père? Non, d'accord. Est-ce qu'il peut être à la hauteur d'un cheval? Bah, non, c'est rien. Pas con la mule. Ouais, pas con. Pildar, j'ai bien Janine. Bah oui, bah, on en a quatre là. Hein. Non, j'en ai que trois. Bah, attends, on a Monsieur Mazur. Oh. J'ai Franck et Sergat. Sergei Boncouille. Ouais. Monsieur Mazur. Jenny Labago. Non, j'y ai dit au revoir à elle. Mais c'est Christina Rondel que t'as viré. Non, et elle Jenny aussi. Mais non, Christina Rondel t'as viré. J'ai viré Jenny. Mais non. Si. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit qu'il puait. Voilà, alors donc, bon, ok. Et hop là. Bon, bah, j'en ramène un. Virer pour une vérité, c'est un peu laid quand même. Alors, c'est qui? Bah, attends, je rappelle, Anka, demande. Mais ouais, mais on s'entend plus au standard là. On va parler trop fort. Tu gueules trop fort, j'entends pas parler. Non, mais moi, je vais dire une chose. Ouais, non, mais ça fait 10 minutes. Que tu es avec le même auditeur. Bah oui, d'accord, parce qu'il me répète son prénom, parce que je l'entends pas, parce que tu gueules trop fort. Donc mais si ça te plaît pas, tu vas faire le standard dans le couloir et comme ça tu laisses Manu tout. Bah, j'aimerais bien, mais le fil est pas assez long. Te fous pas de ma gueule, parce que tout à l'heure tu vas rester dans le stand. C'est bon, j'ai quelqu'un. Médaillito, bonsoir, Sainte-Marie de la Mer. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Ouais, on t'écoute, Mégaïto. Médaillito. Sainte-Marie de la Mer, bonsoir, c'est 115.5, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, alors, la question, bonsoir. Qui... Non, bah, ça, on va pas la poser parce que... Ça parle de ta famille. Pensez-vous qu'il y aura une histoire de dopage? Ouais, bon. Alors, tu l'as pas posée, celle-là, déjà? Non, on l'a pas mise encore. Ah. Ouais, moi attends, Non mais le problème c'est que Gérard il a fait des questions, mais des questions sur genre l'avion. Alors, que vous prenez, c'est un Boeing ou un AOL, et donc Sergat. Ouais. Non, voilà. Ouais, donc Sergat. La question c'est répète-la moi s'il te plaît. Alors c'est pensez-vous. Ah Gérard, t'as dit que pensez-vous qu'il y aura une histoire de dopage, faut peut-être écouter. Ouais, je pense que oui, hein, quand tu les vois nager le 100 mètres, ils battent tous les records, les mecs ils courent plus vite que les chevaux, c'est hallucinant quoi. Mm-hmm. Moi je pense que oui, il y a des produits stupéfiants là-dedans. Mm-hmm. Ouais, ben moi je peux te dire que bon, on verra. Monsieur Mazur. Oh, ben absolument, moi je suis de cet avis totalement. Il y a déjà des, ne serait-ce que dans la nourriture. Il faut un peu connaître, je ne sais pas si c'est votre cas, monsieur Gérard, la nourriture australienne qui est à base de kangourous, de serpents et de scorpions, que sais-je. Et tout le monde sait qu'il y a des produits énergétiques dans ces petits animaux et qui décuplent bien entendu de nombreuses choses, dont les performances sportives. Mmh. Mmh. Je sais pas si t'as déjà fumé du ragondin. Franck. Absolument. Moi je pense que oui également. T'as qu'à voir David Douillet en train de tirer au yaourt dans ses pubs. À mon avis, il n'y a pas que du yaourt là-dedans. Là, je crois que tu vas un peu loin là-dessus, toi. Ouais, tu vas loin, quand même. Méga, je sais pas quoi, là. Médaillito. Médaillito, ouais. Ouais, moi, je pense que, ouais, il y a du dopage, les mecs, ils prennent de la dope. Mmh. Parce que moi, j'avais un oncle, en fait, il a fait lancer le couteau. Mmh. Et c'est vrai que lui carburait pas mal, tu sais, tout ce qui est fruits de mer, pas lourdes et tout ça, tu vois. Ça, c'est pas bon, hein. Donc franchement, à mon avis, ouais, y a des mecs qui gobent des trucs. Hein, non, mais je peux vous dire qu'elle aurait. Là, on est en train de parler du dopage, là, sur les JO. Les contrôles, c'est n'importe quoi. Regarde, les mecs, ils les font pisser dans des bocals, c'est ça. Ouais, non, mais. Et attends, faut tester la merde aussi. Non, mais attends, moi, je peux te dire. Il y a des trucs, ça passe dans le caca. Non mais moi je peux te dire qu'à l'heure actuelle il y a quand même 12 athlètes qui ont été contrôlés positifs, hein. Ouais. Mais quand même. C'est qui? Tu connais les noms? Non, c'est les pays, donc c'est la Roumanie, la Bulgarie, tout le pays. Ils sont dopés. Kazadzan. Kazakhstan, Kosovo. Voilà. GG. Ouais. Tu trouves pas que c'est débile? Regarde, on vérifie l'urine, mais on vérifie pas le reste. Donc forcément, il y a des trucs qui passent. Oh là là, non mais arrêtez avec les papiers derrière là, parce que c'est énervant. Il y a des trucs qui passent. T'es d'accord avec moi, forcément. Ouais, mais non, mais même là, mais voilà, les mecs sont pas venus mettre le nez dans le caca comme d'habitude. Non, mais là, il y en avait dix qui étaient contrôlés positifs. Donc il y en a eu deux encore en plus aujourd'hui. Ok, elles sont deux. Ouais. Donc, à mon avis, à chaque fois, c'est pareil. Gérard, tant qu'on est dans le sujet, sur IRC, il y a la police, que je salue pour la première fois de ma vie. Il demande pourquoi Richard Virenque ne participe pas au JO alors qu'il y a du vélo au JO. Ouais, mais là, c'est peut-être pas le même. C'est pas le même vélo. C'est pas du tout pareil, parce que là, le cycliste sur piste, lui, c'est cycliste route, donc c'est pas du tout pareil. C'est quoi la différence? C'est style Tour de France, tandis que là, c'est. C'est Tour de piste. C'est sur une piste, sur une piste. Elle est bizarre la piste en plus. Hein. Ouais, ben hein, ça. Le Tour de France. Pourquoi elle est penchée, Gérard? Bah, justement, je voudrais bien le savoir, moi, pourquoi qu'elle est aussi penchée que ça. Voilà. Les auditeurs, si vous le savez, appelez au standard 0803 085000 pour aider GG. Il est en galère, il a rien préparé. Voilà. C'est clair. Alors les JO sont. Tu m'assures, il sait, je crois. Ah, il avait fait un papier sur les cyclistes. Voilà la force centripète. Ouais. Monsieur Mazur. Centripute. Pardon. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Pourquoi la piste? J'ai répondu à la question déjà. Non, mais on vous en vient. Bon, d'accord. Non, monsieur Mazur, on voulait vous demander. On était sur votre article sur les cyclistes et sur les dopés. Ah oui. On voulait vous demander pourquoi la piste des cyclistes était penchée. Bon, eh bien, écoutez, avant de répondre, parce que là, vous soulevez, n'est-ce pas, un problème bien épineux. Alors, monsieur Gérard, je souhaiterais savoir si, bien entendu, avant de vous répondre, vous avez un avocat efficace, n'est-ce pas? Parce que... Bon, monsieur Mazur, vous êtes responsable, bien entendu, d'après ce que j'ai compris, vous êtes le chef ultime de cette émission, et je ne souhaiterais pas que vous ayez par la suite des problèmes suite à mes propos, bien entendu. Monsieur Mazur, on vous demande de répondre correctement à une question, vous y répondez, vous ne cherchez pas midi à 14h. Très bien, monsieur Gérard, surtout qu'avec le décalage horaire... Alors, la piste est tout simplement penchée, n'est-ce pas? Vous avez bien remarqué que les... c'est-à-dire que les cyclistes, lorsqu'il y a les épreuves pendant les Jeux Olympiques, les cyclistes partent du plat de la piste. Vous avez vu, monsieur Gérard? Ouais, j'ai déjà vu. Ouais. Alors, il s'avère qu'il y a de cela à peu près 53 ans, lors du démarrage des Jeux Olympiques, eh bien, les cyclistes démarraient du haut de la piste, n'est-ce pas? Du haut de la piste, et leur vélo n'étant pas les prouesses technologiques de nos jours, eh bien, ces malheureux cyclistes se cassaient lamentablement la gueule, si je puis m'exprimer ainsi, afin d'être poli. Donc... est arrivé monsieur de Ménoncourt, un homme tout à fait charmant, la quarantaine, une femme, mariée, quatre enfants. On s'en va les couilles. Bien entendu. Bon, alors, monsieur de Ménoncourt est arrivé en disant, écoutez, il faut ne serait-ce qu'un tout petit peu décliner la piste de manière à ce qu'elle soit moins abrupte. Monsieur Gérard, vous suivez? Ouais, non, mais vous allez accoucher parce que... Eh bien, écoutez, je suis en train de vous expliquer. Vous me posez une question, je vous explique. C'est trop compliqué, là, monsieur. De manière à ce que même le cycliste, même étant ivre, puisse, bien entendu, terminer sa course et rejoindre ses concurrents, si toutefois sa forme le lui permet. Cela vous satisfait-il, monsieur Gérard? Ça va, je vous remercie. Donc, je vous en prie, à votre service. Alors... Bonsoir, monsieur Mazur. Un débat sur bonsoir, les... Bonsoir, monsieur Mazur. Bonsoir. Je voudrais savoir qu'il y a... Un sondage, oh, s'il vous plaît, là. Bonsoir, monsieur Mazur. Un coupable. Bonsoir. Merci, monsieur Chazal. Bonsoir. Gérard, pour gagner un petit sondage. Non, bah vas-y, alors. Ah, d'accord, il y a Père Fouras, il dit qu'il a fouillé dans ses archives, il a vu que tu avais été champion olympique de débat sur piste en 88 au JO de Séoul. N'importe quoi, celui-là. Et après? Après, y a des gens qui me disent bonjour, bonsoir, qui seront massifs au HAF demain soir pour le concert de Sankai à l'Agora. Okay. Donc, alors, les JO. Non, mais ça c'était va. C'était juste, voilà, c'est tout. Donc les JO sont-ils nécessaires? Alors 70% des gens disent oui, parce que ça permet aux sportifs de passer à la télé, ben ça c'est vrai, hein, parce que sinon on se demande pourquoi. Donc 33% répondent non car les petits pois sont rouges. Bon, je vois pas du tout le rapport avec, avec c'est, les c'est bizarre, ouais. 23% des gens répondent, des sourds n'entendent pas ce que je dis. Je comprends rien à ce que tu dis, hein, GG, par contre. Ouais, ben, le sondage, c'est pareil, je comprends pas du tout le truc. Et 18% me répondent que les cures sont nécessaires. Eh ben, c'est même pas du tout le style du débat. Enfin, bref. Quelle heure il est? 1h45. Qu'est-ce qui se passe, tu fais chier? Non, mais c'est pas ça, c'est que... Ah, d'ailleurs, tu sais quoi, GG, tu m'as sauvé la vie parce que à minuit 45... L'émission sponsorisée par Miel Poops. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Voilà, ouais, bah, on en a rien à foutre de votre merde. Bah oui, non, mais moi, je me fais un peu d'argent. À votre avis, quel est le sport au JO qui est le plus important? On va demander à Sergat. Sergat, il beaucoup, bien. Il me semble que c'est le 100 mètres hein, qui est le plus regardé par les gens. Le 100 mètres... courir. Ouais, le 100 mètres... Mais il y en a plusieurs des 100 mètres, ouais. Non, c'est le 100 mètres avec que des blagues qui courent. N'importe quoi. Si, c'est celui-là qui est le plus rapide, moi je regarde. Avec les chaussures en or et tout, là. Voilà, exactement. Malaïdo. Médaïto. Médaïto, fais gaffe, ouais. Moi je dirais tout ce qui est sport de combat. C'est-à-dire sabre, épée, couteau papillon, tout ça. Il y a aussi effectivement tout ce qui est course. Parce qu'il faut savoir courir dans la vie, des fois, ça aide quand même. La route, hein, tu vois, tout ça. Puis ouais, non, c'est tout. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Franck, pour moi, dans les Jeux Olympiques, c'est le 110 mètres otage où tu dois zigzaguer entre les balles pour t'échapper. Bon alors, Franck, au revoir. Je le shoot. Ouais. Là. Au revoir. Ça s'appelle une mitraillette. Il s'est entraîné là-bas. Il a tout esquivé. J'ai pas réussi. Anka. Ils ont pas de silencieux là. Entre parenthèses, on vient de dire au revoir à un auditeur. On vient de dire au revoir à un auditeur. Parce que moi j'étais en train de dire bonjour à un autre. Non, mais voilà. Bah alors, on vient de dire au revoir. C'est qui? Franck. Tu lui dis au revoir et tu reprends quelqu'un d'autre. Merci. Mais je sais pas lequel c'est en fait. Gérard. Oh là. T'es au standard pour quoi faire? Pour dormir ou pour... Moi, je suis au téléphone, là. Non, mais t'es au... Allô? Allô? Oh, ça y est, ouais. Allô? Oui, allô. Bon, je pense que... Oui, Gérard, sur IRC, il y a un certain Chirac, je sais pas si c'est l'obèse qu'on connaît tous, il voulait savoir pourquoi il n'y a pas de lancer de boomerang au JO de Sydney, vu que c'est en Australie. Moi, je sais pas, hein. Là, c'est une question que je sais pas du tout non plus. On pourrait peut-être demander à un auditeur, je sais pas. Ça serait une bonne idée, ouais. Sur l'internet, qui nous répondent. Peut-être que Monsieur Mazur, il sait. Ouais, parce qu'il avait fait un truc sur le boomerang dans l'équipe. Monsieur Mazur, vous êtes là? Un autre douloureux problème et bien épineux, ma foi, que vous soulevez. Et Monsieur Gérard, je vous en remercie. Alors, le boomerang, bien entendu, sport national australien. On s'en bat les couilles. Et on peut tout à fait se poser la question, mais pourquoi cette discipline sportive n'est-elle pas représentée au JO de Sydney, alors qu'elle était bel et bien présente, si vos souvenirs sont bons, Monsieur Gérard, au Jeux d'Atlanta, il y a 4 ans de cela? Il n'y a pas de souvenir. Monsieur Gérard? Dîner de con. Ouais, non, mais ça y est, on en a rien à foutre, donc... Ah bah attendez, monsieur Gérard, on me pose une question, moi j'ai la politesse d'y répondre, non, maintenant, si vous m'accueillez avec des jeux, n'en ai rien à foutre. À votre avis, quel est le sport au JO qui est le plus important, c'est tout? Sans aucun doute, et ça, bien entendu, j'ai entendu toutes sortes d'horreurs, mais c'est bel et bien la nage féminine, et on comprend pourquoi, bien la sûr. La natation. La nage. La natation. D'accord, si vous souhaitez, monsieur Gérard, mais vous êtes le seul à dire la natation. Hein. Alors, parce que ça s'appelle... Alors, la nage, ça s'appelle pas la natation. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? La natation étant l'adjectif, bien entendu, vous avez tout à fait raison là-dessus, mais en ce qui concerne les disciplines sportives et olympiques, actuellement, ils appellent ça, tous les journalistes, moi-même, appelons ça la nage, tout simplement, monsieur Gérard. Attends, Gégé, tu dis nager ou tu dis natationner? Je vais natationner, mais en revanche, j'ai fait de la nage. Voilà. Bon, monsieur Mazur, j'ai raté le reportage là sur Planète sur la reproduction des kangourous. J'aimerais bien que monsieur Mazur me fasse un petit résumé là, parce que j'ai pas tout capté. Oh non, mais ça y est. Voilà un autre problème. Monsieur Gérard, vous l'avez sans doute remarqué. On s'en fout. Le kangourou se meut d'une manière bien spéciale. À savoir, il se projette sur ses pattes postérieures en hauteur afin de très souplement retomber sur le sol, bien entendu, grâce à l'élasticité de ses pattes qui sont une véritable arme, n'est-ce pas? C'est un véritable ressort, monsieur Gérard. Peut-être tel que celui que vous avez connu dans votre lit d'hôpital cet été, alors que vous entrepreniez une petite, un petit repos bien mérité, n'est-ce pas, monsieur Gérard? Eh ben, monsieur Mazur, je vous dis au revoir. Et donc, et voilà. Je continue, la queue du kangourou est vraiment primordiale. La queue du kangourou, bien entendu, elle est dépeinte, n'est-ce pas, au début du siècle, comme... Monsieur Mazur, c'est terminé. Il est parti, il y a Franck et monsieur Mazur qu'on leur a dit au revoir. À qui? À Franck. Non, non, moi, je suis toujours là, moi. Non, non, Franck, je te dis. Monsieur Mazur, je suis calmé, je suis calmé. Non, non, je te dis au revoir. Je suis calmé, Gérard. C'est terminé, je te dis au revoir. Je te dis au revoir. Non, mais voilà. Il est calmé. Et voilà. Toujours encore, vas-y. Non, non, mais fais de l'art, tu sais. Je les ai virés. Voilà, donc, quelle est la mascotte des Jeux Olympiques? On va demander ça à Sergat. La mascotte, j'hésite entre un kangourou et un koala. Ouais. Ouais. Je sais pas. C'est un truc. Une bête à plumes, en tout cas. Ouais. Un truc qui vole. Non. Non, non, je pense pas. C'est quoi alors? Bah, je te le dirai tout à l'heure. Ah. Médaille tout. Bah, pareil, hein. Pareil. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas Mel Gibson? Non, non, non, non. Ou le bassiste d'ACDC? Crocodile Dundee, non? Non, non, je crois que d'après ce qu'on a vu, c'est un ours, exactement. Un ours? Ouais. Qui représente quoi, en fait? Ben, qui représente la mascotte des Jeux de Sydney. Attends, mais l'ours au 110 mètres, il est pourquoi ils ont pris ça comme mascotte? C'est chelou, ça. Ben, on sait pas, hein, c'est ce qui a été dit. J'ai jamais vu un ours faire du canoë ou un truc comme ça. Ben ouais, mais moi, je suis comme toi, Non, il n'y a rien à voir. Non, non, mais moi, je peux te dire que quand j'ai vu... c'est ce que j'ai remarqué, que c'était un ours, c'est tout. Ah bon? Donc voilà, donc on va se retrouver... Juste avant, on va accueillir de nouveaux auditeurs. On accueille Myrlène Auté, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Myrlène. Bonsoir à tous. Myrlène. Bonsoir, bonne chance. T'as l'air douce. T'appelles d'où? J'appelle de Grenoble. Fréquence 103.2. C'est 9. Ouais, et après? Et on accueille Michael Pousson. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Michael. Salut, Michael. T'appelles d'où? En Du Havre. J'adore tes choses en or. Fréquence, Du Havre. On s'en fout. Tout ce qui est fait, c'est que demain à l'Agora, demain soir, mon pote, Sankai, direct. La fréquence, Du Havre. On s'en bat les couilles de la fréquence. Sankai, demain soir à l'Agora. Ça va le faire. Ah, c'est chaud. Dans les bacs. Je sais que c'est eux. Ça va, Gégé? Je te le dis. Je sais pas, ils mettent de la zig derrière, c'est peut-être les Sunkai, je sais pas. Non, non, c'est toi, alors. Scud, les Lasca, dans les bacs, 9-3 Connection, 7-7-5 à Jolo. Michael, au revoir. C'est pas moi, Gérard. Non, mais c'est pas lui, c'est pas grave. Non, non, mais c'est quoi ta question, ma poule? Alors, maintenant, il y a... Non, mais de manière... Fait des tarifs sur les pubs. On en a pas d'autres, hein, j'en ai plus que deux. 7-7-5 Connection, c'est pas grave, on en est à 10, là. On va en faire. Donc j'attends. Son gars est dans les bacs. Oh je sais que c'est eux. Ah, je sais pas, tu veux quoi, une fiche disque? Ouais. Ma vie, il faut une fiche disque. Comme Prodo, non mais sérieux. Hé hey, Michael, ça suffit, s'il te plaît, merci. Très bien. Mais c'était pas moi. Fiche disque alors. Alors on va s'écouter Serkway Boudaka. Bout de caca avec Enfonce ta perche dans mon sautoir et on se retrouve après pour la suite et fin du débat. Les débats Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. L'émission sponsorisée par Chocopip. J'ai un sponsor, c'est important. Ah, excusez-nous, il y a... Non, non, Marco, tu sors, s'il te plaît, tu me casses pas. Tu m'emmerdes. Oh, non, tu sors du studio. Marco, viens. Un peu au moins. Tu sors d'ici. Marco a amené un colis express, la beuge. On me dit d'amener un colis, je suis gentil. Bah oui, Marco, je comprends bien. Anka, tu reviens dans les studios, s'il te plaît. Salut, sinon Anka, elle est jamais au boulot. On vient de s'écouter, quoi, Gérard, en attendant, parce que c'était bien sympa. Alors, c'est Sergway... Non, dis-le bien, putain. Ça, c'était avant, c'était avant. Non, c'est ce que Manu t'a écrit en le rouge, truc là. En rouge, là, le truc qui déchire. Sunkai avec Fortan Coclash, Foy Dylan et Novka. Ouais. Bon, allez, l'acheter, quoi, parce que... Moi, c'est mieux. Hein. Anka, s'il te plaît. Tiens, mais discute dehors. Discute, quoi. Anka. Bon, allez, hop, Anka, tu peux rester où t'es. On n'a plus besoin de toi dans les studios. Terminé, au revoir. Au revoir. Au revoir, on n'a plus besoin de toi. Allez, hop. Bonne nuit. C'est bon pour aller vous. Non, tu t'écrases et c'est tout. C'est un skunk en plus. Une honte. Alors, on récupère Carlos Sodomeyer. C'est un nouveau. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir, t'appelles d'où ? Carlos Sodomeyer, Strasbourg 114.4. Bonsoir à tous. Ah, c'est une fréquence à Strasbourg, c'est cool. Et Sergueï Poulovski. Ouais, t'appelles d'où fréquence ? De Tours, 102.5. 102.5 et Marlène. Détrich. Marlène Auté. Myrlène Auté. Donc 103.2. Exact, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, question. Oui. Que font les sportifs comme préparation pour aller au JO ? On a déjà parlé du dopage, non ? Non, mais ça, c'est la préparation avant les JO, pas pendant les JO. Ah, c'est bien ce que je dis. Gégé, juste avant, hein, on accueille Zinedine Poussane. Bonsoir. Oh putain. Salut. Bonsoir, Zinedine. Bonsoir. T'appelles d'où ? J'appelle de Paris, 100.9. Ah, ok. Bonsoir, Poussane. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Que font les sportifs comme préparation pour aller aux JO ? On va demander à Carlos. Préparation physique. Mmh. Bah oui, c'est physique hein, en principe. Ouais, préparation mentale. Exact. Non, physique. Non, mais préparation physique, plus préparation mentale. Avec des psychiatres. Plus préparation chimique, comme on a dit tout à l'heure. Mmh. Ouais, bah tu vas pas reprendre les conseils, les trucs à Monsieur Mazur parce que. C'est-à-dire un petit coup de boost. Hein ? Un petit coup de boost là où ça fait du bien. D'accord. Cercueil. Ouais, cercueil. Cercueil, non mais sérieux. Cercueil, parle bien dans ton téléphone. Tu vas être à l'autre bout de la pièce encore. Ouais, Tchernobyl. Tu parles comme il faut devant ton combiné parce qu'on t'entend très mal là. Tu m'entends très mal ? Bah, ou à moins que ça soit les inserts. C'est peut-être les inserts. Des inserts qu'on a. Alors, la préparation, surtout plus mentale, parce que physiquement, bon, bah, ils ont des produits à prendre. Mmh. Tous, ils ont des petites gélules à prendre le matin pour bien courir le soir. Des vitamines, on va dire. Voilà. Et je pense que c'est plus mental. Donc, à mon avis, il faut qu'ils aient une famille, il faut qu'ils aient une maman qui s'occupe d'eux, il faut qu'ils. Qui puisse tirer des coups de temps en temps, et puis je pense que ça se passera bien. C'est important, hein. Ouais, mais je crois que tu réponds à côté de la question. Ouais, non, mais il a raison, je suis en plein dedans. Hein. Et c'est ce qu'on appelle l'entourage, en fait. Voilà. C'est, comment dirais-je, le concours familial. Exact. Tu vois ? Il y a entraîneur aussi, Gégé, on n'a pas parlé de ça. Hein. Ouais, mais ouais. Que font les sportifs comme préparation pour aller au JO ? Et donc, on parle aussi bien que. Aussi bien que toi, on parle mieux que toi. La préparation pour les JO et bien sûr avec les entraîneurs. Bah ouais, tout à fait. Marco, tu sors, s'il te plaît, des studios, t'as rien à foutre là. Il vient voir sa femme. Tu sors des studios, s'il te plaît, merci. Tout ça pour voir Anka. Il y a un micro là qui fasse une maquette. Qui c'est qui venait de répondre ? C'est Sergueï. Sergueï Bobkouille. Ok, Myrlène. Myrlène, ils s'entraînent pas mal physiquement quand même, mais bon, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose dans le caillou, donc la préparation mentale, déjà ils savent pas ce que ça veut dire, et puis en cas de constipation, un peu de préparation, wesh. Nice. Zinedine. Bah écoute, la préparation. Allô. Allô. Qu'est-ce qui s'est passé, Manu, une pause? Allô, je voulais appeler quelqu'un sur la ligne 3 et en fait je te parle. Ah, salut Manu. Allô. Bon, ça. Putain, c'est une CB. Non, voilà, c'est tout. Ça y est, ouais, c'est une CB géante, ouais. Okay. Une CB géante, une radio. Donc Zinedine. Bah ouais, écoute, leur préparation, ils la font pas à la dernière minute, hein, comparé à toi et tes débats. Mm-hmm. Ça serait plutôt des années d'entraînement. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ils font ça depuis qu'ils sont gamins comme moi, tu vois. Par exemple, je suis un footballeur depuis que j'ai 2 ans. Ok? C'est un blague de libre. T'as plus de cheveux. Qui c'est qui vient de dire ça là? Ouais, la crédible. Plus de cheveux, j'apprécie pas trop. Hein. Je crois que c'est Myrlène. Ah non, mais faut pas se voiler la face non plus. Hein. Non, mais t'as pas besoin de parler comme ça des auditeurs, sinon moi je vais te dire au revoir, puis ça va aller vite. Énormément de respect pour Zinedine, mais je trouve qu'il joue mieux depuis qu'il a plus de cheveux. C'est vrai aussi, ouais. Ça, c'est les soucis, ça. Mettre les têtes. Donc, quel sport comme tu prends les sportifs pour comme préparation? En principe, c'est de l'entraînement physique et tout. Donc, est-ce qu'ils courent plus vite? Est-ce qu'ils se mettent des poids sur les mollets? Pour ceux qui pour les courses à pied, à mon avis, oui. Il y en a qui en font. Pour le vélo, c'est l'entraînement du vélo comme pour le Tour de France, tout ça. Hein. T'as dit que c'était pas du tout pareil tout à l'heure. Mais l'entraînement sur piste. C'est pareil. Comment ça se passe, Gérard, sur les pistes? Ils gagnent des étapes. Il y a un maillot jaune, c'est comment? Non, il y a pas de maillot jaune. C'est pas comme le Tour de France. Hein. Parce que l'autre fois, tu viens de dire que c'était pareil que le Tour de France. Non. L'entraînement est pareil que le Tour de France. Mais l'épreuve, c'est pas la même. C'est pas pareil. Parce que l'autre fois, c'était dans les pistes à pente. Là, il y avait un blaireau qui était monté tout en haut là pour gagner le maillot à poil. Là, j'avais gagné. C'était un Français. Hein. Ça, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Hein. Alors, y a-t-il une taille réglementaire pour participer au JO? Il n'y a pas plus bidon. Il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille. On va improviser, les gars. Par exemple, dans le sport comme l'aviron, tu peux être cul-de-jatte. Hein, t'as besoin que de tes bras. D'accord. Et même un œil à la rigueur. Zinedine, tiens. C'est vrai que pour le tir à borne, ça peut aider. Hein. Zinedine. Écoute, il n'y a pas de taille. Hein, franchement, tu peux mesurer 1m10 comme 1m90. Ouais. Tu fais pour nager, vaut mieux mesurer 2 mètres quand même. Vaut mieux être grand. J'ai remarqué là, on parle quand même pas mal de JO, mais c'est un peu le débat. Ce qu'il y a, c'est que il y a des sports qui n'ont pas été cités, donc comme le tir à l'arc, apparemment on n'a rien fait. Il y a combien de sports justement, Gérard? Je pense que c'est 20. 31, il a des fiches, hein, il est comme de la rue. Hein, non, je crois qu'il y a le tir à l'arc. Je crois qu'il y a une. Parce que lui, il est à la rue. Voilà. Je sais plus combien que ça. Jeu de mots. Je ne sais pas. Zinedine. C'est bon, je t'ai déjà répondu. Oh, tu te réveilles. Le gag, que du gag. Oui. Mais Gérard, il y a du tir à l'arc au JO. Ouais, mais on a rien fait. Alors, tir à l'arc et tir à la carabine, on n'a rien fait. Ça me ferait chier que ça soit les... En canoë et cognac, on n'a fait qu'une médaille d'or. En équitation, on n'a rien fait. C'est plutôt ça ton épreuve, mon cochon. On n'a pas ramené aux chevaux. Ouais. Et vous voulez la fermer quand je parle? Vas-y, enchaîne. Par contre, il y avait le barbu là qui faisait du tir là. Yvan Colonna. Michael, il venait juste, il rentrait juste des vacances. Il a dû lancer de Jolo. Il rentrait de vacances. Yvan Colonna. Il est arrivé en Australie. On l'a vu dans le France 2, dans le journal de France 2, un bubar là. Il a un barbu. Il a rien fait. Confusion. JO, ça veut pas dire Jolo. Ouais. C'est Jeux Olympiques. Hein. Ouais. Myrlène, donc pour toi, moi, je pense qu'il faut être plutôt grand, quoi. Pour jouer au basket, par exemple, tu vois, il faut mieux être grand. Il y a un mec qui soulève des poids, là, il fait 1m2, quoi. C'est l'homme le plus fort du monde. 1m02, et moi, je l'écrase avec ma semelle. Ouais, le petit roumain, là, qui. Sergueï. Il est balèze, il a. Trop de bruitage. Sergueï. Oui. Voilà. Je te disais que le mec qui fait 1m20, là, l'homme le plus fort. Mais non, c'est Myrlène qui vient de dire ça, c'est pas toi. Il soulève la bûche de ta femme, hein, le mec. Hein. Gérard, j'en connais un. Juste la jambe. Gérard. Par contre, la tienne, il a des boîtes. Alors, Carlos, au revoir. Ah, c'est pas moi. Je veux pas le savoir, au revoir. Attention. Allez, hop, bim, bim. Bonne nuit. Mais Gérard, par exemple, le petit roumain là, qui soulève 3 fois son poids, ouais. Par exemple, il peut pas en haltérophilie. Ouais. Mais ça y est pas aux Jeux Olympiques, ça. Bien sûr. Comme un sport. Bien sûr. Ça y est, Gérard. On n'a rien. Il a battu le record. Mais le petit roumain. On n'a rien fait, nous, là-dedans. Non, mais le petit roumain, il est pas français. Tu vois, il est roumain. Ouais, on se m'en fout. Pourquoi il fait de l'haltérophilie et pourquoi il fait pas du saut en hauteur, par exemple? Ah, je sais pas, hein. Bah, je te pose la question. Bah, j'en sais rien, moi, si tu me demandes ça, t'as qu'à le savoir toi-même. C'est toi qui poses la question, moi, j'en sais rien. Déjà, même au saut à la perche ou au saut en longueur, on a rien pris. À propos de saut à la perche, justement, j'ai une dépêche AFP concernant Jean Galfione. Il aurait déclaré avoir été déconcentré récemment lors d'un de ses entraînements par un homme de petite taille repoussant, lui criant, je cite, ramène-moi avec ta grande perche, ça me rappellera les canons à char de l'armée. N'importe quoi encore, cette connerie que t'as été me chercher, Rigo. Rigo t'amuse des fois. On est combien sur l'IRC? Il n'y a pas beaucoup de questions d'IRC. Écoute, je suis obligé de sélectionner, hein, forcément. Et on est 8043. Ouais, c'est pas mal. Et il y a Dame de Troyes qui dit que tu pourras jamais participer au JO parce qu'ils font des contrôles d'alcotest. Ouais, bah, elle a premier de contrôler ce qu'elle dit comme connerie sur l'internet. Elle est croyant. En plus, ça m'étonne pas. Voilà. Attends, il y a Manu qui veut parler. Manu, à la place de Carlos. Je voulais accueillir Michael John Cohn. Bonsoir. Oui, bonsoir Paris, bonsoir Loïc Cotty. Ok, le mec qui pompe pas les noms. T'appelles d'où? Angoulême, 90.2. Encore. Encore d'Angoulême. On s'en fout, c'est bon, là, la France, on s'en balique, allez hop. On s'est donné le mot, Non, mais alors, bonne nuit. On connaît les voix, c'est le même. Bon, allez, c'est qui a sélectionné ça? Anka. Non, moi j'ai rien sélectionné depuis au moins une demi-heure là. Ah ouais, ça peut pas être moi, c'est devant ton micro Manu. La grosse là, tu te crois où? Amène ton micro devant toi. Alors déjà, on envoie le jingle, t'es déjà pas là. Là pour l'instant, t'es en train de rien foutre, donc je sais pas pourquoi tu restes dans les débats. Donc alors, comme t'as pas envie de bosser, ben tu vas prendre la porte. Ah non, je suis mieux là. Non, tu vas prendre la lourde. Non, je préfère rester. Allez, tu prends la lourde. Ah non. Allez, prends la lourde. Tu vas dehors, j'ai plus besoin de toi pour terminer mon débat, c'est terminé. Ouais. Allez, bonne nuit. Moi, je préfère rester. Bonne nuit, moi, je te dis. Non, mais tu me verras pas. Je m'en fous. Je fais rien du tout, je bouge pas. Non, mais de toute manière, on continuera pas les débats tant que tu sortiras pas des studios. T'as rien à foutre, tu vas pas bosser. Non, moi, je reste là. Ben moi, je te dis que non, c'est moi qui commande le jeudi, c'est tout. Gérard, s'il est pas entouré de boudin, il est pas heureux. Non, mais même, elle a pas fait rien, donc elle a pas été là, c'est terminé. Allez, salut Anka. Ouais. Tu lui dis qu'elle sorte, c'est pas la peine, depuis que t'es parti, elle a rien foutu. Que dalle. T'as pour rien, donc c'est pas la peine de caresser. Rien du tout. Je regarde un petit peu. Je suis en stage, pas avec moi. Alors, terminé, tu sors. Hop, tu sors des studios, c'est terminé. Hop. Alors, je t'ai prévenu, je reprenais pas le débat tant que t'étais là. Devant ton micro, Gérard, toujours. Hein. Donc, je t'ai prévenu, donc c'est dehors, c'est terminé. Toujours devant ton micro. Et le 12, toujours devant ton micro. Pour le 12, ça sera pareil, tu resteras sur un siège et t'écouteras comme ça. C'est le renseignement. Ça sera comme ça. Voilà. Au revoir et bonne nuit. Voilà. Donc, Marco, la vilaine. Monsieur Chaud. Alors, bon, Gérard, en tout cas, il y a le baron sur IRC, il dit que si tu peux pas avoir de médaille olympique au JO d'été, tu pourrais peut-être en avoir une au JO d'hiver en curling, à savoir en dérapage. Non, mais ça, les JO, tu connais, avec ton mouchard. Les JO d'hiver, je sais même pas où seront, où se déroulent. Qui glissent sur le Ouais, je sais, mais je sais même pas où. C'est à Tahiti, les prochains JO d'hiver. Ouais. Les prochains? Quand? En 2002? 2002 à Tahiti, ouais. Patinoire en plein air. Qui c'est qu'il y a d'autre? On accueille Aimé Jacouille. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Tout à fait, voilà. C'est Aimé Jacouille, bonsoir tout le monde. J'appelle de Montmoignon-sur-Faisan, c'est 113.3, bonsoir. 113.3, oui. Bonsoir. Alors, la question, pensez-vous que les arbitres peuvent être achetés pour faire gagner les tricheurs? Bien sûr. Non, pour... Ouais, pour faire gagner les athlètes... Pensez-vous que les arbitres peuvent être achetés pour faire gagner les tricheurs? Ouais. C'est connu, ça. Ouais, bon, alors, Aimé Jacouille. Moi, je pense que oui. Voilà. Effectivement, s'ils sont payés, ils vont faire gagner les tricheurs. Mmh. Parce que s'ils sont payés et qu'ils font gagner les autres, à mon avis, ça va gueuler. D'accord. Je pense que c'est envisageable que les arbitres, ils trichent. Non mais justement, il y a un doublé là en fait. Ouais, justement, on va en discuter après. On va demander l'avis de tout le monde. Il y a beaucoup de gens sur IRC, on est remonté, on est 9122. Ils disent que c'est intéressant d'un coup qu'on parle de pot de vin. dans un débat de Gérard. Ouais, c'est pas des... Arrêtez, il va rechuter, vous êtes relou. Hein. Non, mais Zinedine. Il prend pas de pot de vin, il boit direct à la bouteille. Car... Zinedine. Ouais. Ouais, bah écoute, bien sûr qu'on peut payer les arbitres pour faire gagner les tricheurs. D'accord. Ça, c'est carrément possible, quoi. Ouais. Myrlène. Bah oui. Évidemment, mais bon, pour les sports où il y a des arbitres, parce qu'il y a des sports où il n'y a pas d'arbitre. C'est vrai aussi. Oui. D'arbitre, est-ce que c'est vrai. Ouais, c'est grave. Tu vois, par exemple, au 100 mètres... Je peux répondre. Bah oui. Ok, super. Tu vois, par exemple, au 100 mètres... comment t'as séché, là. Bon, calmez-vous, là, les autres, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. On va terminer quand même le débat un peu mieux qu'on l'a commencé. Ah, ouais, hein. Ouais, d'accord. T'inquiète. C'est toujours les bâches, non. Ah, y a pas à dire, un fun, ça va te changer la vie. Non mais je pense, depuis que l'auditeur a envoyé ça, maintenant il s'amuse à le passer régulièrement. Écoute, j'ai un là. Myrlène. On s'en mousse à Lyon, ça les c'est le Jacques Hichon. Bon, allez, calmez-vous. Allez, sérieux. Ouais, mais j'ai un coup, il y a Zidine. J'ai envie de câlin. Bon, calmez-vous là. J'ai envie de câlin. Myrlène. Bon, arrête, plus de l'air, parce que mais c'est pas marrant. Mais c'est pas moi. Merci. Allez, c'est plus marrant. Myrlène. Allez, on arrête maintenant. Myrlène. Allez, plus de terre. Bon, allez. On sort les doigts du cul et on se met au boulot. Ouais, Myrlène. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, putain, il y a des stars. Mais ça fait beaucoup, ça. Moi, samedi, j'aime la sodomie. Bon, dans le cheval, il n'y a pas de pain. Putain, arrête. Bon, dans le cheval, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de porc dans le cheval. Les gâteaux, c'est pas fait avec de la viande. Allez, Myrlène. Myrlène. Tu disais, il y a des sports où il n'y a pas besoin d'arbitre. Tu sais, il y a un chronomètre. Et en fait, le chronomètre, tu peux pas l'acheter. D'accord. Non, mais ça peut être magouillé, tu vois. Genre, attends. On en parle après, je comprends bien. Sergueï. Ouais, mais non, mais je pense que les arbitres sont honnêtes pour la plupart. Mais c'est vrai qu'il y a des gens corrompus. Dans tous les corps de métier. Attends, je vais vous répondre à la question. Ah, quand même. Parce que si c'est passé, et je pense que vous avez dû le suivre aux infos, il y a une judoka française. Justement, il y a eu une faute d'arbitrage, et ça, tout le monde le dit. Il y a eu une faute d'arbitrage. Normalement, on aurait dû avoir une médaille d'argent au jeu là, et on a eu la médaille de bronze. De France. Non, parce que je me suis gouré en disant ça, c'est pas grave. Il a eu la Légion d'honneur. Hein. Donc, à mon avis, l'arbitre, déjà, là, il avait été payé pour ça. C'est pour ça qu'elle est partie, Pérec. Non, mais ça, Marie-Jean... Ça, c'est l'affaire, on en parle après. Hein. Ça, c'est juste après, on va... Ouais, parce que je veux qu'on en parle quand même. Est-ce que tu vas faire un débat, sur Marie-Jo, comme t'as fait sur les lignes, enfin comme tu vas faire sur les lignes, on pourrait faire un spécial Marie-Jo de Pérec. Non, je pense pas, parce que c'est pas au programme pour l'instant. Avec non, mais une reconstitution où je te fracasse la porte dans la gueule, un truc comme ça. Non, mais c'est pas au programme, donc. Qui sait que tout le monde a répondu, donc. Qu'est-ce que t'as répondu, toi? J'ai même pas écouté ce que c'est. De toute manière, on devait avoir de l'argent là en judo avec une nana, mais en fin de compte, ça a été une chinoise. Qui a récupéré l'argent à notre place, et à mon avis, je pense que là, il y a eu une faute d'arbitrage. Elle a volé dans le porte-monnaie, alors. Non, mais l'arbitrage a été mauvais, et ça a été payé. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a certains regarde, trucs... regarde, ce qui est affolant, c'est que la monnaie chinoise, ça vaut rien, et ils arrivent quand même à se payer des arbitres. Est-ce que tu trouves ça normal? Mais ouais, mais ça, c'est... Alors que nous, on a... Oui. Et on pourrait quand même faire un effort au niveau du pot de vin, quoi, merde. Eh, Gérard? Ouais. Si ta mère, elle savait jouer du piano, elle s'appellerait Charlie Oleg. Mais Jacouille, en revanche. Ah, c'est pas moi, attention! Je crois que c'était Zinedine. Ouais, tout à fait. Alors tu dis au revoir à Zinedine. Ouais, voilà. Mais Gérard, justement, on vient aux arbitres là. Je sais pas jouer de piano, on ne connaît pas sa mère. Zinedine, au revoir. Tu sais, au judo, l'autre fois, j'ai regardé à la télé, même quand il y avait Bourrasque. Le judo, les arbitres au judo, ils étaient aussi japonais. Non, mais là, de toute manière, c'est pareil. Là on a déjà perdu une médaille d'argent. Oh, tu découpes. C'est que pourquoi, quand par exemple Bourras, il a combattu contre un japonais ou un chinois, je sais plus, pourquoi les arbitres étaient aussi de la même nationalité? C'est de la triche. Pourquoi? Parce que c'est de la faute des organisateurs, et c'est tout. Il faut le dénoncer, ça, Gérard. Donc les organisateurs, quand ils voient que c'est leur pays, donc automatiquement ils mettent un judoka, donc chinois comme tu dis, non un autre arbitre. Ah donc, ouais. Ils auraient dû mettre un arbitre différent de. Ah oui, genre de, australien ou allemand. Ouais. Oui, mais ça, c'est vrai que, bon, déjà, même là, pour l'histoire de la médaille d'argent qu'on aurait dû avoir au lieu de bronze, ouais. Donc là, ça a été pareil, c'était un arbitre japonais. C'est tout. Ah, les enculés. Mais comment ça se fait, Gégé? Comment ça se fait? Mais ouais, mais ça, c'est les organisateurs, donc ils ont qu'à faire gaffe quand c'est pas quand c'est un pays, par exemple, la Chine, comme Phil Daradi, et comme j'ai dit là à l'instant. Donc, ce que les organisateurs devraient faire, c'est de mettre un arbitre différent du pays qui combat, c'est tout. Non, mettre un arbitre chinois pas comme normal. Ça a été fait. Ouais, mais que devient l'éthisme du sport, Gérard? Ah, c'est vrai. Mais ouais, mais ça, c'est pareil. On s'en fout des clips. De quoi? Ouais, bon, des quoi? Et après, on enchaîne avec de la douem. Laisse tomber. Et après, un délire de toxico. C'est un mot en combien de lettres que t'as dit là? Ouais, c'est un mot français. Alors, un truc de dingue. Un petit sondage là. On va perdre les deux derniers qu'il y a, comme ça on sera tranquille avec ça. Fais-en qu'un. Garde-en un pour tout à l'heure, dans un quart d'heure. Ben là, on va se mettre Oui, non, mais vas-y, on a le temps, vas-y. Une zikmu. Alors, quatrième, donc, c'est l'avant-dernier. Hein. Comment les sportifs choisissent leur activité au JO? Alors, 66% répondent par tirage à la courte paille ou à l'ouverture. À l'ouverture, je dis bien. Ouverture de quoi? Justement, je vois bien ça. Des JO, non? Ah, d'accord, la cérémonie, là, pour Havre. Attends, t'as dit qu'il y avait 10 500, il y a 10 500 pailles, alors, pour les 10 500 athlètes? Ben, à mon avis, oui. Ah, c'est chaud, attends, ça fait une grosse poignée, quand même. Ben, ouais. Quand même, hein. 45% des gens disent que c'est les parents qui décident. Bon, pour les enfants, je pense. Hein. Ça aurait pas pu, alors. 55% des gens pensent que ça dépend des jours. Bon, je vois pas du tout. 98% pensent que ça pourrait avoir la médaille d'or du cul qui pue. Ben, ça, n'importe quoi. Ouais, je pense. Vraiment n'importe quoi. Ouais, t'es le seul participant. T'es hors classe. Alors, on va s'écouter une... Attends, on va s'écouter, t'es marrant, toi. Ben, on va s'écouter, tu vas me donner la musique, je vais poser la question. On peut mettre du rock. Donc, pourquoi s'il vous plaît, là, du rock, là. J'en ai marre du groovy. Et à la place de Zinedine, qui c'est qu'on a? J'ai trouvé personne encore. On a personne? Allez, filou, là, mets un truc avec de la gratte. Là. Ouais, tu les mets en air, Manu. Un truc groove rock. Tu les arrêtes. Pas moi. Groove metal, t'as pas dit groove metal? Si, ça arrive. Okay. Donc, c'est quoi le titre? Ah merde, il faut la fiche disque. Bah ouais, en plus. Elle est en haut, elle est au-dessus. Ah, attends, ça arrive. Donc, au-dessus. Alors, je pose la question. Donc, vas-y, pourquoi Marie-Josée Pérec a quitté. Oh, gros dossier! A quitté les JO. Donc, et on va s'écouter le. Quoi? Le walk sur mon nom, sur mon gazon avec des petites grosses dans mon slip et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite sur Fun. Fun Radio, c'est Gaël, bonsoir tout le monde, l'alcool est parti. Oh, Gaël. J'ai des scènes à vous faire écouter cette nuit. Oh, qu'est-ce qui se passe? Gaël, il est pas parti le... Eh hey, Gaël, c'est pas à toi, hein. Ah bon, pardon, excuse-moi. On arrête tout alors? Bah tu chies. Moi je m'en branle de tes conneries, j'ai envie de passer des scènes là, non? Non, mais t'arrêtes. On s'en fout de tes conneries. Ouais, bah t'arrêtes tes conneries, tu prends ton bordel tout à l'heure, il est pas l'heure. Arrête. Tu pues! Ta gueule, toi! Plus tu bats Gérard, plus c'est tard, plus ça pue! C'est vrai. Et donc, on venait de s'écouter le wok sur mon gazon avec des petites grosses dans mon slip. Et on se retrouve pour la suite et fin du débat sur les JO. Excuse-moi. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Ah. Et donc, on sort là, une heure et demie. Ah merde, on perd de l'argent, quoi. Avec Sergueï. Ouais. Non, on peut pas, il y a sponsor. Attends, vas-y, mind-toi. T'es beau. Mind-toi, on va peu médicus là. Vas-y, envoie. Non, c'est pas ça. Merde, mais mind-toi, putain. Attends, c'est sûr. Non, c'est pas ça. J'ai pas là, j'ai pas. Tu fais un sponsor, on va. Putain, t'es relou. Bon, récupère Sergueï. Ouais, merci pour le skud. Myrlène. C'était bien, non? Ouais, c'était tranquille. Bon. Myrlène. Bonsoir. Et Aimé Jacouille. Oui, rebonsoir à tous. Ok. Ouais, Manu. Et on a aussi témoin de Jéhovah. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bon retour. Et ils vont se calmer, là, les Lascars, parce que sinon... Bah, ok, la pute. Bon, bah... Ils ont pas compris qu'il y a ta femme. Tu leur dis au revoir tout de suite à ceux-là. Allez, hop, super. Allez, hop, au revoir. Au revoir. Non, tu leur dis au revoir, ça y est, c'est terminé. Et puis, il faut deux rafales. Ok. Allez, hop, bonne nuit. Il y en a qui bougent encore, là. Donc, alors, la question, c'était pourquoi Marie-Josette... Marie-Josée Pérec a quitté les JO, donc on m'a demandé à Sergueï. Alors, moi, on m'a dit... j'en ai parlé un petit peu au boulot ce matin. Mmh. On m'a dit qu'en fait, elle était à découvert. Non, mais attends. Tu dis pas ce que les gens t'ont dit au boulot. Non, mais à mon avis... Tu dis ce que tu penses, toi. Oui, mais à mon avis, c'est vrai. C'est pour ça, je te le répète. Mmh. Alors, on m'a dit qu'en fait, elle était à découvert et elle cherchait une banque, une BNP, et la plus proche, elle était à Singapour. Donc, c'est pour ça qu'elle est allée à Singapour retirer des thunes pour s'entraîner et acheter ses produits stupéfiants. Bon, pour moi, je pense que c'est une thèse c'est possible. Hein. Je pense que c'est une thèse qui se tient. Ouais, Manu. Je voulais accueillir un nouvel auditeur qui s'appelle Vladimir Poustine. Bonsoir. Bonsoir, Vladimir. Bonsoir, Vlad. Je suis sous l'eau. Ça part en couille, il va 300 mètres. Oulala, ça part en couille, les débats. Tu prends l'eau. Ouais. Bon, Manu. Prodigy, phase 2. Manu, tu le calmes. Bah, calme-toi. Tu le calmes un peu, celui-là, parce que tout à l'heure, on va lui dire au revoir. Bonsoir, Gérard. Salut tout le monde. T'appelles d'où? Non. Ouais, j'appelle de. Joinville-le-Pont. Voilà, c'est pas mal, par la 6. 101.9. Tout à fait. Bon, donc la question, tu l'as entendue? Pas du tout, je viens d'arriver, j'en ai appelé, j'ai eu Anka au standard, très sympathique d'ailleurs. C'est vrai. Moi, c'est pas Anka, c'est Manu, hein. Elle est sympathique. Je savais pas. Ça peut aller très vite. S'il a une voix de crécelle. Alors, dans quel cas là, Vladimir, tu vas le retrouver. C'est pas moi qui ai dit ça. Allez. C'est Sergueï, moi j'ai très bien entendu, Sergueï, il dégage. Allez hop! Enculé à la droite de Lucerne! Exactement! Alors, tu me retrouves deux autres auditeurs, Manu. Non, j'ai rien dit, Vlad. Ouais, moi je reste là. Bon, alors, c'est l'autre là qu'on dit au revoir. Allez hop! Alors, donc, il nous reste Vladimir, Myrlène et Aimé Jacouille, c'est ça? Ok. Bon, alors, Myrlène? Oui. Donc, pour toi? Je n'en ai aucune idée. Ah, bah, attends, tout à l'heure, tu disais si, tu savais à peu près quand on a commencé à en parler. Ah non, pas du tout. Ah bon. Donc, t'as aucune idée? Non. Ok, bah, c'est pas mal. Moi, je travaille, donc bon, j'ai pas que ça à faire que de regarder la télé. Quoi. Non, mais attends, le soir, tu peux très bien suivre les informations. Bah non, pas quand tu fais mon travail. Ah bon, d'accord. Aimé Jacouille, alors toi? Moi, je pense qu'il y a aiguille sous roche, hein, doit y avoir quelque chose. Ouais, mais moi je pensais à un truc. Attends. Vas-y, filou, faut y aller, c'est maintenant que je pense. Maintenant, c'est maintenant. Vas-y, filou. Donc, allez, vais. Allez. Et si elle s'est barrée comme ça des JO, ouais. C'est ouais. Peut-être parce qu'elle se disait, je suis plus assez forte pour battre les autres. Donc je serai peut-être pas championne olympique. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est pas pour ça, d'accord. Vladimir. Okay, merci. Bah, écoute, moi je suis un peu d'accord avec Childa. Hein. Ouais. C'est possible. Hein. Moi je pense que c'est une flambeuse et que, voilà, à force de trop se la péter, elle a perdu son niveau, quoi. Et maintenant, Manu. Elle a flippé. Ouais, je voulais accueillir Alexandre Popol, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Alex. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, je suis de Limoges, 102.2. Bonsoir Popol. Voilà. Donc t'as entendu... Ouais, alors moi je travaille dans la presse, papeterie, librairie, et j'ai lu l'équipe ce matin, et il paraît qu'elle s'est fait menacer de mort. Non mais alors ça, je peux te dire une chose, ça, c'est que... Fou, ça. Ouais, bah ton truc c'est du bidon, alors au revoir. Donc, est-ce pas. C'est faux. Non, mais pourquoi ils ont dit ça, Gérard? Non, mais ça, c'est des. C'est des ce non, elle a trouvé du caca sur son paillasse. Non, mais ce que. Pourquoi que Marie-Jo. Oh! Ah là là. Je sens la vanne. Je sens que tout à l'heure, il y en a qui vont dégager vite, mais ça va aller vite. Hein. Voilà. Donc, pourquoi qu'elle a quitté les Jeux Olympiques si vite que ça? Donc, apparemment, d'après ce qui a été dit, mais maintenant, c'est sûr qu'il faut que ça reste... C'est ça entre reste guillemets, entre parenthèses. Hein. Donc, il paraît qu'elle aurait été trop agressée par les serveurs, par la presse, par les photographes et tout ça. J'en ai vu des extraits ce soir et c'est vrai que les journalistes, ils étaient constamment là. Bon, il y a eu l'histoire aussi quand elle arrivait à Singapour, que son copain s'en est pris après des journalistes là-bas. Donc ça, on l'a bien vu. Ça a été vrai. Et donc, elle a préféré quitter les Jeux Olympiques à cause de ça et c'est tout. Moi, j'avais entendu qu'elle était, qu'en fait, elle était tellement dopée. Non, même ça se voyait. Non mais ça, quoi, non mais c'est pas ça, c'est qu'il y a une jambe qui se promène aux fenêtres du studio. L'autre, il a rien à foutre. Il a rien à foutre que de percher les gens comme ça, celui-là. Et c'est le Ricky, ça m'étonne pas de lui. Mais pourquoi c'est Ricky, alors. Mais pourquoi Gérard elle est allé à Singapour alors? Non, pour revenir sur Paris, donc. C'est pour l'opium, hein. Non mais l'opium, non, là-bas, ça court les rues. Elle peut pas faire directement Sydney Paris, il faut qu'elle fasse Sydney Singapour. Bah non, parce que non, parce que à mon avis, son copain devait l'attendre là-bas et ouais, c'est bizarre. Tout. Ah, c'était un barbu. Non. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Marie-José Pérec. Bah non, mais qu'est-ce qui va lui arriver, là? Bah rien du tout. Attends, il n'y aura pas de françaises qui seront. Il y aura personne aux 400 mètres. Non, il y aura personne. Et on peut pas trouver quelqu'un en remplacement, là, vite fait? Faudra suivre ça demain, parce que normalement, c'est prévu pour demain. Donc, il y a quelqu'un qui va la remplacer demain. Justement, c'est passé trop vite. Il y a quelqu'un qui te demande, est-ce que tu la remplacerais si t'en avais l'occasion? Non, parce que je m'intéresse pas, donc voilà. C'est chaud, hein. Léon c'est plus tard, hein. Léon Disport, c'est plus tard. Tu m'aurais fait une question ou pas, là? Environ. Oh, le tricard. Ah, j'ai oublié. Non, voilà. Non, c'est pas toi qui fais des questions, mais c'est quoi cette histoire, là? Oh, ta gueule, toi. Bon, on a un quatrième auditeur, si tu veux. Je sais pas pour répondre à quoi, mais. Vas-y. On accueille Super Popo, bonsoir. Oui, bonsoir. Je réponds à tout, je suis foncé. Bonsoir, Super Popo. T'appelles d'où? J'appelle de. Allez, allez. Ah, j'aime bien la Jamaïque. Kingston. T'appelles d'où? Kingston. La fréquence? 102.5 sur les tropiques. Tu colles, toi. Putain, répondez correctement aux questions quand je vous demande des trucs, hein. Tu pars en boulette. Alors, où se déroulera? Où se déroulera les prochains JO 2004 À Paris. Non. À Paris. À Paris, à Suresnes et à Nanterre. Alors, j'ai déposé le dossier demain. Paris. C'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça? À Paris, hein. Alors, c'est pas. Lancé de grosse par la fenêtre des hôpitaux. Alors, Super Popo. Non. Pas du tout. Ah, ouais. C'était pas lui, hein. C'était qui? C'est Super Popo. Non, pas du tout. C'est Super Popo. Non, je t'ai dit que non. Au revoir. Tu fais une erreur. Au revoir. Tu fais l'erreur de ta vie. Au revoir. Super Popo. On qui ressort? Allez, hop. Allez, hop, comment je me vais skier? Vladimir. On accueille Super Wii. Vladimir. Oui. Où se déroulera les prochains JO 2004? Eh bien, écoute, à Paris, mon ami. Non. Non, moi je peux vous dire que ça sera pas Paris. On n'a pas fini. Eh, mais j'accouille. Ah, bah, Paris. Paris. Ah, bah, punaise, ouais. En plus, c'est pas du tout Paris. Ouais, en plus, parce que Florent, il me dit que les organisateurs, ils hésitent entre Jolo et Gonesse. Non plus. Myrlène. Ah, il n'y a plus d'hôtel à Gonesse. Tu peux du cul. Pas sûr qu'on le voit. Myrlène. Tu peux du voir, on part, tu grilles. Tu peux du tout du cul. Paris ou Athènes? Alors, tu dis Paris. Ou pas, c'est un quiz. Ah, ça fait mais attendez, excusez Marco, elle revient. Excusez-nous, parce qu'il y a Anka qui vient d'entrer dans le studio. T'étais où, là? Elle s'est fait prendre. Non, mais vas-y, on a la radio. Bah, j'étais avec Marco. Ouais, mais tu sens le sperme. Hein, tu sors. Allez. Dans le coin de la bouche, là. Mylène. Oui. Mylène, alors pour toi. Oui. Pour toi. Bah, j'hésite, en fait, entre Paris et Athènes. Non, c'est Paris. Je vais prendre la question du public. Ça, la question du public. Tu peux appeler quelqu'un de ta famille pour t'aider. Oui. Bon, allez, il n'y a pas besoin. Donc, tout le monde a dit Paris, bah, vous êtes tous gourés. Ah, c'est quoi? C'est Athènes. Non. Putain, j'en étais sûr. C'est Athènes qui fera les prochains Jeux Olympiques en l'an 2004. Et Paris, c'est prévu pour l'an 2008, exactement. D'où tu tiens ça? Attends, d'où tu tiens ça, toi? Ben, parce que ça a été déjà prononcé. Et c'est t'as bien. Vu ça, où, t'as vu ça, où? Ça a été dit que c'était Athènes et c'est tout. Et pourquoi? Ça a été dit par qui? Par ta concierge? Non, pas ma concierge. Fais gaffe, il est devant. Fais gaffe, Vladimir, parce que tu vas peut-être pas finir le débat, parce que maintenant on va faire la conclusion. Mais non, j'ai quelqu'un, moi. Oui, ouais. Et je voulais te poser une question après. Bah, vas-y, avant de la question. Minutes, hein, Gérard. Ok. Tu Gérard, mais pourquoi c'est que tous les 4 ans, les JO? Bah, je ne sais pas, hein. Faut demander aux organisateurs. Ah, mais merde, t'as le numéro? Ah, bah non, on n'a pas de numéro. Putain, t'es con, hein. Je te pose une question, tu pourras réfléchir 2 minutes, quoi. Alors, voilà. Qui c'est que t'as donc, comment... Bah, j'ai Jackie, bonsoir. C'est Jackie du Jackie Show. Jackie Show. Jackie. Avec Monsieur Cadeau, Jackie le ouf, c'est combien? C'est Patrick Simpson Jones. Oh là, on a perdu Jackie. Il appelle d'où, lui? Vous avez plus de voix, j'ai pas. Corby, alors. J'ai bien verre d'eau. Alors, peut-on faire comme le quinquennat pour les JO tous les deux ans? Gérard, justement, j'ai une petite question. Ah. Je voudrais savoir si tu t'es bien renseigné. Les Jeux Olympiques 96, c'était où, s'il te plaît? J'en sais rien. Ah bah voilà. Oh, le mec, c'est il fait nul. Un débat sur les JO et voilà. Il fait même pas. T'es nul. T'es nul, Gérard. Myrène, au revoir. Le nul. Au revoir. C'est même pas que t'es à Atlanta, t'as une blaire à t'en plier. Eh bah, au revoir. Blaireau. Justement, plus rapide que l'éclair. On avait une question qui se rapporte au dernier sondage que tu as sur la feuille. C'est quoi la question? Non, mais non, on va faire celle-là et après on le fera. Ouais. On la posera. Non, je suis bon. Alors, Jackie. Oui. Ouais. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. De la B Production. 101.9. Alors? Hein? Alors, Jackie. Ouais, tu réponds? Oui, oui. Mais la question, c'est quoi là? Peut-on faire comme le quinquennat pour les Jeux Olympiques tous les deux ans? Non, c'est bien tous les quatre ans, c'est bien. D'accord. Aimé Jacouille. Ouais, racine de 2 égale 4, tout à fait. Voilà. Ouais, d'accord, tous les 4 ans. Bah oui. Vladimir. Les Jeux Olympiques, en quelque sorte, c'est un peu tous les deux ans, parce que t'as hiver et été, quoi. Alors, Vladimir, au revoir. Bah, attends, oh là. Pour toi. Au revoir. Hop là. Alors, à la place de. On a Richardson Klaxon. Ouais. Bonsoir, j'appelle de Toulouse, 107.4. Putain, là. Oh là là, vous me faites chier. Hey, Ricky, tu fermes ta gueule, s'il te plaît, merci. Bon, alors. Voilà, par rapport au sondage, au dernier sondage qu'on avait sur la feuille. Ouais, attends, Richard, il n'a pas répondu à sa question. Ah, réponds, Richard, de toute façon, ça va aller vite. Je pense que tous les 4 ans, c'est très bien, il n'y a pas de quinquennat à mettre là-dedans. Ben voilà. Ah, super, alors, on donc, dernier sondage. Tu vas voter, toi, dimanche, GG? Non. Y a-t-il un avenir pour les sportifs après les Jeux Olympiques? Alors 87% des gens disent qu'il n'y a que l'alcool pour bien sûr pour rester bien. Bon, ça je, bon. C'est faux, ouais. C'est l'exemple vivant. 51% des gens pensent que le mieux ça après c'est de faire de la pub pour du papier toilette, ouais, pourquoi pas. C'est faux, t'en es l'exemple vivant. Toi tu as fermé ta gueule, Richard, parce que je vais te dire au revoir. D'accord? Bien, Richard. C'est faux. Alors, au revoir. Voilà, Richard. Non. Allez, une rafale dans le cul, là. Bim. Ça y est, il est parti. Et 37% des gens disent que la plupart des sportifs deviennent clochards, c'est faux. 4 fois 5 secondes. Et 21% des gens estiment que ça dépend des médailles que les sportifs a eu. Et donc, la dernière question. Non, mais c'est vrai, non, mais ça peut être une question. Ouais. C'est quoi l'avenir? Bah, on sait pas. Ah, c'est vrai, ça. Mais non, mais voilà, mais on sait pas. On sait pas. Pose la question aux auditeurs. Bah, pourquoi les Jeux Olympiques sont-ils appelés comme ça et comment? Disons comme mais ça. Mais non, mais c'est pas ça la question. Non, mais ça, c'est la dernière. La question, non, c'est celle-là. C'est par rapport au sondage. Par rapport au sondage, pose la question. Du sondage, il dit. Voilà. Mais je m'en fous, moi, du sondage, il est con. Mais ça fait une question. Mais on s'en fout des questions. Des réponses, on veut la question. Non, mais moi. Pourquoi, qu'est-ce que va faire David Douillat après, là? Eh ben, il va continuer à s'entraîner pour les prochains jeux. Mais non, il va arrêter, il est trop vieux. Bah, de toute manière, c'est comme Platini. Platini, il arrête le foot, tu vois. Il a pas continué à s'entraîner. Bah, voilà. Bah, c'est bien ce qu'on dit. Donc, c'est tout. Et voilà. Donc, pourquoi les Jeux Olympiques sont-ils appelés comme ça? Non, répondez à l'autre question. À votre avis. À votre avis, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire après les JO? Et alors, si je pose cette question-là, je poserai l'autre après si ça me fait plaisir. Guy Dru, tu vois, Guy Dru, c'est devenu ministre. Guy Dru, un peu frisé, là. Bon, si c'est Fildar qui fait les débats, ben c'est bien. Hein. Alors moi, c'est terminé, on va faire le sondage. Attends, Gérard, j'ai plein de imagine questions. Moi, j'ai un auditeur à accueillir, moi. Ah, en plus. On peut l'accueillir ou pas, Gégé, l'auditeur? Vas-y, pour la conclusion. Non, on accueille... Allez. Okay. On accueille Stéphane Poussy, bonsoir. On l'a déjà eu tout à l'heure, lui. Hein. Non, mais non. Auprès de Gomez. Attends, on n'a pas entendu parce qu'il y a une coupure. J'appelle d'où? Donc on accueille Stéphane Poussy, bonsoir. Ouh, salut, j'appelle de Bolo. Super. Super. Avec ma vieille bobarde. C'est quelle fréquence? Ouh là, c'est chaud. Il y a un froid là. Bon, je sens 107.8, Gérard. 107.8. Voilà, imagine-toi, tu vois, dans 2-3 ans, tu seras trop vieux pour faire des débats. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est pareil. C'est vrai. Hein. C'est pareil. La question, c'est pourquoi les Jeux Olympiques sont-ils appelés comme ça? Oui, c'est tout. Bon, alors, ça on répond celle-là et on fera l'autre après. Non, après, ça sera la conclusion. Mais non. Si. Voilà, alors, vas-y, demande Stéphane. À qui. Il est moins le cas, hein, t'as le temps. Et alors, Stéphane? J'ai un autre, juste avant Stéphane, on accueille Laura Essel, bonsoir. Bonsoir Laura. Bonsoir. Parle bien fort Laura, hein. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Ben, on s'est sorti de la galère avec moi et Laura. Bonsoir Laura. Alors, la bonsoir, question, Stéphane, donc pour toi. Stéphane, une fois Stéphane, deux fois non, Stéphane. Je lui parlais, Excuse-moi, on vient de me reprendre en standard. Est-ce que quelqu'un a une capote à me prêter, s'il vous plaît? Attends, qu'est-ce qu'il y a, Anka? Est-ce que quelqu'un a une capote? Bien sûr. Bon, Anka, tu vas te faire baiser ailleurs que dans les studios. J'en ai plein, viens les chercher à la maison. Tu dégages des studios, tu vas te faire baiser ailleurs que dans les studios. Il y en a dans la veste de Gérard quand il prend le bus. Cette phrase va être archivée, Anka. Si j'avais su, quand je t'ai vu, je t'aurais emballé direct. Stéphane! Ouais, bah écoute, moi, Manu m'a repris au standard. Donc, il m'a bien pris de l'ascar, c'est chaud. Chaud. Si tu pourrais me répéter la question. Du coup, pourquoi les Jeux Olympiques sont-ils appelés comme ça? C'est tout. Bah écoute, c'est très con comme question, je pense, mais bon, je sais pas, c'est comme si tu me disais, pourquoi t'as plaisir, tout ça, là. Eh ben, c'est des Grecs, c'est des Grecs, là, qui... Laura jouent. Ouais, d'accord. Oui Laura. Parce qu'en fait, les premiers Jeux Olympiques se passaient sur le Mont Olympe. En voilà, j'allais le dire, putain, ouais, après, je passe pour un blaireau. J'ai pas d'argent de la culture, en fait. Et donc, voilà, ils ont fait les Jeux Olympiques. D'accord, et aimé Jacouille pour terminer. Ah, bah, ça sert à rien qu'ils répondent, c'était ça. Hein. Il y avait l'Olympiakos et le Panathinaikos. Oui. Et puis ils ont hésité, puis c'est l'Olympiakos qui a gagné. Eh ben on va faire la conclusion. Ah, t'as envie de faire caca ou quoi? Terminé, il n'y a plus rien. C'est un cas là, t'as chauffé ou quoi? Non, mais il n'y a plus rien. Tiens, se branler. Il est pressé de rentrer de se vider dans sa gourde à sa foutre. Dans sa gourde à quoi? Dans sa gourde à sa foutre. Alors Stéphane, au revoir. C'est pas moi. Non, c'est Jacouille. Non, mais même, c'est pareil. Hop, Stéphane, au revoir. Non, terminé. Stéphane, tu lui dis au revoir et c'est tout. T'as un gueudin ou quoi? L'IRC. Oui, sur l'IRC où on est 9723. Tu peux noter, ça te fera des chiffres. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a Isidore, il dit que comme pour les 10... T'as vu, Bibi, regarde, j'ai ramené des chiffres. 9723, je l'ai trouvé moi-même. Ouais, après les lettres. Donc il y a Isidore qui te demande, comme tu sais, pour les artistes, il y a les disques d'or, mais il y a aussi les disques de platine, etc. Pourquoi est-ce qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a pas des médailles de platine? Bah parce que c'est des médailles d'or ou de bronze et c'est tout. Bah, je vois pas la réponse. Il n'y a que ça, hein. C'est plutôt en champlon. Voilà. Donc, après, il y a une autre question. LB69 qui te demande à quand le lancer de pute de kyste. Ah bah, il va se faire foutre, lui. Très drôle, ça, ce garçon. Forcément. Comme ça, il va se faire foutre, lui, ça va aller plus vite. Après. Alors, Rocco médaille de plomb, il voulait savoir si les kangourous participent au combat de boxe aux Jeux Olympiques. C'est vrai que... Les kangourous, ils sont aptes à boxer quand même. C'est chaud. Ouais, mais ça, c'est chaud, sur le vif, c'est chaud. Ça m'étonne pas, c'est sur l'internet. Hein. On a avec toi, Régon, on te soutient. Si on a, merci, les potes. On compatit. Donc, à mon avis, je pense pas que tu as. T'as encore 10 minutes de questions, Coco, alors accroche-toi. Hein. Ah, ouais. Ah, tu m'étonnes. Bon, GG. Non, je te dis, il n'y aura pas de combat. Si. Il n'y aura pas de combat de kangourous quand ils ont mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'ils n'intègrent pas les animaux dans les courses? Par exemple, dans les courses, tu sais, bah les chevaux, ils courent vite. L'équitation. Mais je vois tout. Il y a de l'équitation, donc il y a les chevaux. Putain, t'as mécale. Mécale par Gérard. Vas-y, allez, c'est bon. Après, laissez-moi faire Ed. Oh putain. Balayette, ça va. Pourquoi, quand ils courent, ils ont des baskets? Ah, ça, c'est pas mal. C'est bien, c'est une bonne question. Mais non, dans le temps, ils courent à pieds nus. Ah, c'est vrai, ouais. Donc, il n'y a plus de questions? Comme au foot. Pourquoi il n'y a pas la F1 au JO? Ah, ça aussi, on me l'a demandé. Ils peuvent pas faire des circuits pour ça. Hein. Bah, y a pourquoi ils font bien ils ont bien fait des stades spéciaux. Regarde le stade de France, il a été fait pour la Coupe du Monde en France. Là-bas, ils ont fait des stades spéciaux à Sydney pour les JO. Ils auraient pu faire une. Fait un lac artificiel. Ouais, mais ça, c'est aux organisateurs de voir. Hein, c'est con qu'on n'ait pas eu le numéro ce soir. C'est aux organisateurs. Alors, justement, à propos d'organisateurs, excuse-moi de t'interrompre, il y a encore énormément de gens, je ne peux pas tous les citer, qui me posent cette question. Pourquoi est-ce que les Jeux Olympiques ont été organisés pendant la nuit? Avec le décalage horaire. Il y a combien d'heures Sur Internet. Alors là, je sais pas exactement. Quand même, hein. Non, je crois que c'est. Pourquoi tu te renseignes pas à l'avance sur ce genre de truc? Tu sais qu'on va poser des questions. C'est vrai, t'as trois semaines, quoi. Non, mais de toute manière, je pense que c'est 2 heures. Non, c'est pas 2 heures. 2 à 3 heures de décalage, à peu près. Mais tu rigoles. Mais n'importe quoi. Alors comment ça se fait qu'il y a 20 heures d'avion pour y aller? Ouais, mais ça, non, attends, c'est ce qu'on a été me dire sur. J'avais demandé sur l'IRC. Il y a une vingtaine d'heures de décalage. Je pense pas. Ah, et 2 heures d'avion, c'est ça, alors. Il y a 22 heures pour Tahiti et 20 heures pour. Après, des questions aussi con que ça, non? Avant le. Pas, t'en as peut-être encore non. Non, parce qu'on fait la conclusion. Donc, conclusion. Il y a juste Garner, il dit que, et c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on parle des JO d'été alors qu'on est en automne? C'est bien, mon fils. Bah ouais, mais ça, c'est justement, on est en automne à partir d'aujourd'hui, mais ça a commencé bien avancé jusqu'au 1er octobre à peu près. Bah, ça fait encore au moins 10 jours. Oui, il y a encore une dizaine. Ben, il y a encore toute la semaine à venir, là, puis après. Toute la semaine là et la semaine d'après, je crois. Je crois qu'il reste encore 2 semaines de JO. Et quoi, toi, tes pronostics, alors, toi, avant que ça se termine, les JO, GG? Ben, de toute manière, je pense que, vu ce qui nous arrive, il ne nous reste plus que David Douillet, là, pour une médaille d'or encore à la rigueur. Ouais. Il y a le curling encore. Ouais, mais, non, je crois qu'après, ben, je pense que ça m'étonnerait qu'on. Je pense pas qu'on puisse terminer dans les premiers. Tu crois que Marie-Jo, elle aurait ouais, il y a Marie-Jo, ouais. Non, il y a plus. Non. Elle a le temps de revenir, elle a le temps de prendre un avion, c'est la semaine prochaine. Bah ouais. Non, le 400 mètres, c'est aujourd'hui pour elle. Moi, je pense que s'il y avait une discipline où on pourrait gagner une médaille d'or, c'est Sandy se taper avec des buffles. Bon, bah alors, Aimé Jacouille, au revoir. Non. Ah bah si, de toute manière, il me reste. Non, c'était Jackie. J'aurais bien voulu parce qu'elle était bien, mais c'était pas moi, non. Ah bah c'était Jackie, bah tu dis au revoir à Jackie, alors. Ah, il va faire sa conclusion. Alors, Jackie, conclusion. Ouais, bah c'était un bon débat, mais t'as pas trop travaillé le sujet, c'est dommage. C'est vrai, ça. Les Jeux Olympiques, si t'as l'occasion de regarder, regarde, tu vas te marier. Hein, c'est important, c'est tous les 4 ans, t'aurais pu préparer, franchement. Ouais, non, mais même, les Jeux Olympiques, c'est pas mon. Non, mais regarde, de minuit à 2h du matin, t'as des mecs qui font du sport, toi t'es là dans ton canapé, peinard. Ouais, t'as raison, tu as à 2h du matin, c'est dégueulasse ce que tu dis, il a pas de canapé. T'es là dans ton brancard. Eh mais Jacouille, c'est confortable. Eh mais Jacouille. Écoute, voilà, bon débat, franchement, bon c'est débat. C'est vrai que t'as pas parlé, comme on a dit tout à l'heure, des gens d'e-sport. Enfin, ah, c'est vrai, ouais. Je pense que là, on a des chances de médailles. Les Jeux paralympiques. Voilà, exactement, tout à fait. Non, d'ailleurs, la France en gagne souvent beaucoup aux Jeux paralympiques. Il y a des estropiés. Ouais. Laura. Attends, j'ai pas fini. Moi, j'espère que franchement, Marie-Jo, elle aura le temps de retourner à Sydney. Parce non, mais là, de toute manière, vu qu'elle est partie, de manière. Franchement, Marie-Jo, si tu nous écoutes, si tu pars maintenant, tu peux y être là. Non, mais de toute manière, elle a été retirée de la liste du 400 mètres pour demain, donc c'est terminé. Hein. Ah, mais ouais, il y a les bus Hollywood Open Miles. Non. iPhone, Laura, j'ai pas fini. J'aurais aimé aussi que tu prépares un peu plus parce que c'est tous les 4 ans. Donc, à mon avis, d'ici les prochains JO, tu seras mort. Donc, ça aurait été bien que tu prépares cela. C'est clair. Tu vas replonger dans l'alcool, Gérard. Il faut pas le cacher aux auditeurs. Hein. Bon, ouais, Laura, terminé. Mais ça couille, au revoir. Parce que tu viens de dire que les JO c'était pas ton truc, donc pourquoi tu fais un débat sur les JO si les JO c'est pas ton truc? Tu nous avais habitué aux routiers, la CB, tout ça, c'est vrai que ça c'est plus ça. Non, mais c'est pas grave. Aimé Jacouille, au revoir, terminé. Laura. Répondre. Terminé. Laura. Moi je dirais que c'est parce que TF1 retransmet pas, tout simplement. Laura. Il boycott. Pour terminer. Ça y est, il a fini. Ouais. Pour conclure, je voudrais dire que c'était un débat de merde, mais là, je pense vraiment. Mmh. Parce que franchement, t'as rien foutu, quoi. Ouais. Tu nous demandes la monnaie australienne, on en a rien à carrer. La devise. Moi, je me suis. C'est clair, la devise, tu te la carres au cul, mon con. C'est un profond avec des pouces. Et franchement, non, refais jamais ça, quoi. Refais jamais ça. Un pied dans le cul vaut mieux que deux, tu l'auras dans la bouche. Je crois que Aimé Jacouille et puis Jackie, on vous a dit au revoir. Non, on est là, t'inquiète. Non, on est là. Donc, terminé pour vous. Et on se voit, on est tous en équipe là. Et je voudrais citer mes sponsors. Vas-y, ma poule. Les trois Suisses. Voilà, donc conclusion sur l'IRC. Trois piles dans Roselyne. Alors là, il y a des problèmes. Lui, il a été un peu trop loin. C'est un sponsor. Il n'y a pas beaucoup de... C'est quoi ce truc ça arrête plus là, ça arrête plus de sonner. Pas tellement de conclusions sur l'IRC, si ce n'est Starsky, le lanceur de javelot. Il te dit, Gérard, un Roumain lève trois fois son poids et reçoit une médaille. Et toi, tu baisses bien trois fois ton poids et pourtant tu reçois pas de médaille. Alors, sa conclusion, j'en ai rien à foutre. Mmh. Et on a terminé avec combien ? C'est vrai, on a un peu baissé, on est arrivé à 8033. C'est fort quand même. Mmh. Donc à 8033. Ok. Donc encore une petite conclusion de Rocco Médaille de Plomb. Il dit encore une belle illustration de l'incultisme de Gérard qui fait des débats sur des sujets qui ne l'intéressent même pas. Ah bah c'est bien. Donc dans ce cas-là, c'est vrai. Je sais pas pourquoi qu'il s'amuse à pianoter sur l'intérêt. Parce que lui, ça l'intéresse au moins. Bah, si ça l'intéresse, il a qu'à se mettre devant sa télé. Ça y est, à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire ? C'est très pénible. Hein. Ça fait mal aux oreilles dans les casques. Donc, qu'est-ce que je peux dire? La conclusion, ça a été de la merde, comme d'habitude. Hein, avec... Oh, mais non, ça, c'est trop facile à dire. Débat qui s'est mal passé avec Anka qui a rien foutu. Ça, c'est qui... vrai. Ouais, ça, ouais. Vous, ah, nous, c'était bien. Ça a été limite. Donc, pour le 12, normalement, si tout se passe bien et s'il n'y a pas trop de bordel avant, donc débat sur les catastrophes naturelles. Catastrophes et c'est tout. Donc, on ne peut pas faire les prises d'otages ? Non, je ne vais pas. Si, ça va être dedans. Ça va être dedans. On verra. Tant qu'on oublie un peu. Vendredi soir, soirée mousse et bière, ça m'étonnerait, avec Gigi Corona et Gigi 86. Ça, c'est bien les conneries à filer. Max m'a donné la feuille. Non, je te jure. Didier, c'est bien. Ça va vite te dire que c'est Max. Répète-le. Hein, Gigi Corona et Gigi 86. Après samedi soir, soirée spéciale blague à Toto avec Gigi Sleep et Gigi Ricard. Donc, à mon avis, c'est encore des conneries que tu me sors. Et n'oubliez pas, vendredi. Ils sont pas pissés, lui, là, derrière, là ? Bon, c'est quoi, alors ? Vas-y, enchaîne. Donc, vendredi, au Stromboli, à Chambry, près de Bertrand. Oh, mon Dieu, allez sur Internet, regardez l'adresse, parce que... Bah, c'est ça que j'ai récupéré dans le bureau. Hein. Ouais, mais vu ce que t'as dit, laisse tomber, ils ont rien compris. C'est quoi, le Stromboli ? Stromboli. Le Stromboli à ? À Chambry. À Chambry. Près de Bierzon. Près de Bierzon. Donc, Max sera pour mixer, donc allez-y, nous. Sur la techno. Voilà, soirée techno et on vous laisse avec Gaël et dimanche soir Max pour Éclectique et Balade Nocturne, ça sera la combien de balades ? Moi je sais pas, le 47e voyage ou 60e, j'en sais rien. Mais Max, ce que tu dois dire, GG ? En concert à Caen ? C'est quoi ça ? Demain ? Ouais, ben c'est quoi ? Le Sunkai en concert. Ah ouais, le Sunkai en concert, c'est au Havre, pas à Caen. Autant pour moi. Okay, pas à Caen, c'est au Havre. Donc on s'écoute les gros JO des plages avec Venez me voler ma bitch. Et voilà, donc vous allez retrouver Gaël pour la nuit sans pub, à plus tard. Ouais, Gérard, excuse-moi pour tout à l'heure, j'ai vu que tu t'étais barré, j'ai vu que les bouteilles étaient vides, donc ça y est, il n'y a plus personne, quoi. T'es vraiment un cave, toi, allez. Ouais. Gérard.